Ok, donc salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast des Rôlistes dans la cave, un podcast qui se tient encore une fois à Poitiers, en marge de la convention sous l'œil de Mélusine, une convention où nous avons un invité, encore une fois, sur ce podcast, donc avec en la personne de Thomas Munier. Salut, salut tout le monde. Auteur de nombreux jeux, tous pas mal centrés autour de l'univers de Millevaux. Ouais, c'est ça, donc des jeux sur la forêt... comme Millevaux, Influenza, Odyssea, et puis d'autres. Ok. Nous sommes encore une fois avec Gaël. Bonjour. Gaël Sacré, donc le vidéaste qui nous fait Mandala. Entre autres, ouais. Et auteur aussi, notamment ouais. De Happy. C'est ça, Happy, et puis d'autres jeux en développement actuellement. Ok. Et nous avons aussi Fabrice avec nous, donc... Oui, bonjour. Et donc, également, je suis venu avec Gaël et Thomas, en fait, pour animer pas mal de jeux indépendants et notamment pas mal de jeux autour de Millevaux, quoi. Je soutiens un peu la démarche de Thomas depuis quelques temps, quoi. D'accord. Toi, t'es connu sur les forums sous le pseudo de... Arjunaken, donc sur les ateliers d'imaginaire et Feu, Terres étranges, enfin, quand j'y étais encore, quoi. D'accord. Alors, sur le forum, il y a écrit Fabrique, entre parenthèses, t'as pas mis le E. Parce qu'il n'y avait pas assez de place. Ouais. Et moi, j'ai toujours cru que c'était Fabrique exprès, comme le tissu en anglais. Et je me disais, tiens, il veut faire le fantôme ou je sais pas. Mais vraiment, le jour où j'ai compris que c'était vraiment ton nom. Non, enfin, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et occasionnellement, enfin même pas occasionnellement, très souvent sur l'auberge virtuelle, hein, la communauté animée entre autres par Peggy Chasney et Eric Niodan, qui officie aussi pour le concours Le Game Chef. D'accord. Voilà, on y traîne pas mal. C'est un bon endroit pour tester plein de jeux indépendants, voire des jeux très conceptuels. Ah, c'est bon à savoir, ça. Donc, l'auberge virtuelle, le principe, c'est de jouer souvent sur Hangout ou en tout cas en virtuel. C'est ça. C'est Google Plus s'organise en communauté, en fait. C'est-à-dire, c'est un espace où on peut organiser ses fils en diverses sections, quoi. Et on a possibilité de proposer des parties. C'est une communauté qui est très ouverte à des concepts un peu différents, assez nouveaux, quoi. Mmh. Et puis c'est très sympa, du coup, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité, surtout quand on est sur des jeux indépendants, d'avoir des joueurs qui sont forcément dans sa ville ou quoi. Donc avec l'auberge virtuelle, on a la possibilité de jouer avec plein de joueurs. Ça marche plutôt bien. Ouais. Et puis il y a aussi le facteur, on est nombreux à être papa ou maman, ou par exemple, quelqu'un comme Peggy, c'est quelqu'un qui va travailler le week-end, ou des personnes qui sont en horaire décalé. C'est très difficile de s'organiser des parties, des tables, alors que là, on peut démarrer directement sans prendre du temps sur l'aspect social, genre on se réunit, on bouffe, on boit un pot, pour pas passer par des sauvages, là, on joue directement, quoi. C'est l'avantage. D'accord. Et toi, sinon, tu n'as pas créé de jeu Non, pas proprement parler, enfin rien de diffusé. J'ai écrit un théâtre qui s'appelle La Carlingue pour les Chroniques d'Altaride, pour Influenza, donc. Et j'ai un autre théâtre en relecture qui s'appelle Caligula, qui est inspiré de la pièce d'Albert Camus du même nom, qui va sortir prochainement, quoi. J'ai essayé de me revendiquer pas mal du JDR amateur, en fait, pour montrer que JDR amateur, c'est aussi des jeux courts et qu'on c'est pas forcément que des adaptations de jeux vidéo avec beaucoup de caracs ou autre, mais ça peut être aussi des jeux proches des jeux indépendants, mais sans apporter le même soin en termes de maquettage ou d'illustration et se concentrer sur vraiment le jeu en lui-même, quoi. D'accord. Cool. Et donc on est réunis là pour parler d'un thème un peu spécial, un thème qui dérange. Qui dérange. Un thème qui fait polémique. Quelque chose un thème qui fait peur. Selon certains, n'existe pas. Ouais, ou qui n'est pas du jeu de rôle, ou qui est réservé à quelques originaux. Donc on va lâcher le mot, le jeu de rôle solo. Oui, voilà. Et quand on parle de jeu de rôle solo, on parle pas de tout simplement un animateur qui va faire dérouler une histoire à un joueur, on parle vraiment solo, c'est-à-dire on est tout seul avec son crayon, son stylo, son imagination, et voilà, c'est quelque chose dont l'intérêt peut sembler étrange pour certains, mais voilà, moi personnellement, récemment, j'ai pu tester The Beast d'Alexandra Sovelska, ou peu importe, je le prononce. C'est le petit jeu de cartes que je vois là. Voilà, c'est même pas présenté en fait comme un jeu de rôle, hein, même s'il traîne sur la communauté de jeux. J'ai vu le pitch et je suis super intéressé par ce jeu. Voilà, l'auteur qui l'accompagne, le présente comme un jeu de cartes érotique et perturbant. Voilà, ce qui est un pitch pas forcément très habituel. Ça vend du rêve, quand même. Bah, moi, voilà, oui. En plus, les cartes, elles sont... Ah oui. Voilà. Donc, c'est des cartes avec un dos, avec une espèce d'œil de bête ou un œil jaune un peu qui vous regarde, qui souligne un peu l'aspect perturbant. Et tout est sur des cartes, en fait. Par exemple, tout est sur des cartes. Et l'idée, c'est si on veut offrir un certain nombre d'éléments de contexte associés de plusieurs questions, en fait, pour permettre aux joueurs de s'inventer une histoire petit à petit, quoi. D'accord. Ouais. Et alors, quel genre d'histoire, du coup, on raconte avec ce jeu ? Déjà, ce qui est assez perturbant avec ce jeu, en fait, c'est qu'on avait utilisé la première personne du singulier. Et vu que le jeu est très, très freeform et très, très court dans ses explications, on ne prend pas 50 000 précautions pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est-à-dire, vous avez utilisé le jeu, on va vous poser des questions. Quelle est la bête pour vous ? À quoi elle ressemble ? Comment elle est entrée dans votre vie ? Et surtout... Après, il y a des situations aussi qui sont amenées. Oui, enfin, disons qu'il y a un contexte qui est interofertile pour la situation. C'est-à-dire, on va toujours être sur une relation d'attraction-répulsion, en fait. On est un peu victime de ses désirs, mais cette bête va peut-être nous faire faire des choses ou va peut-être nous amener à des parties de nous-mêmes un peu sombres, quoi. Et donc, ça va être déjà une situation un peu étrange, un peu creepy, quoi, par rapport à ce qu'on va jouer plus tard. Et c'est un jeu qui est... c'est très caractéristique des JDR solo, en fait. C'est-à-dire... C'est un jeu qui va beaucoup ritualiser les choses. C'est-à-dire, vu qu'on n'est pas avec un autre joueur, on va devoir s'organiser sur des séances ou autre, et vu que bon, on est tout seul, on va devoir ritualiser pour amener une certaine ambiance, une certaine couleur, quoi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte tous les jours. Et tous les jours que Dieu fait, ou peu importe qui d'ailleurs, tous les jours, il faudra tirer une carte et répondre à une question. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ben, tu vas répondre à ta question un jour, et tout le reste de ta journée, du lendemain... Tu vas te dire, putain, sur quelle question je vais tomber, et petit à petit, l'histoire va se dérouler. Et donc, c'est évidemment des questions très induites, certaines ayant rapport à la sexualité, comme, par exemple, de quelle manière la bête vous fait du mal, vous fait des griffes sur votre corps, ou de quelle manière vous fait-elle vous sentir sale, qu'est-ce qui vous manque quand elle n'est pas là. C'est tout un tas de questions comme ça qui vont poser un décor. Et petit à petit, en répondant à ces questions, en fait, on va dérouler une histoire. Ce qui peut donner une impression, en fait, qu'on est plus proche d'un exercice d'écriture, en fait, quelque part. D'ailleurs, question que j'avais, c'était est-ce que je précise que tu dois écrire tes réponses ou juste tu les joues dans ta tête ? Alors, c'est très important, tu as un journal, en fait. D'ailleurs, moi je l'ai fait en virtuel directement sur un forum parce que je suis un peu maso. mais normalement, c'est un jeu qui a beaucoup trait à l'intime. T'es un peu exibo surtout. Assez exibo, ouais, j'adore ça. Mais certaines personnes peuvent être un peu gênées par ça, quoi. Et donc, l'idée c'est que t'as un journal. Et ton journal, ben, c'est un peu comme la bête dans l'histoire. Tu vas le cacher sous ton lit pour que personne le découvre. Et c'est une partie de toi-même un peu que tu veux pas forcément montrer. Qui est assez particulière, quoi. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est... Alors moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai une théorie, en fait, sur ce jeu. Parce qu'on peut dire que le JDR solo, en fait, il ne va pas y avoir de points de tension, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments de règles, surtout sur des cartes, ou parce qu'on n'a pas une autre personne pour nous projeter son imaginaire. Mais moi, je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, quand on joue à ce jeu, on n'est pas un, on est deux. C'est-à-dire, c'est la confrontation de nous-mêmes, c'est-à-dire notre moi social qu'on va diffuser, quand on va jouer, quand on va répondre aux questions, et un peu notre inconscient, c'est-à-dire la partie un peu sale, un peu moins propre qu'on peut avoir. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un jeu très riche en émotions, qui ça fait partie de ces jeux qui donnent beaucoup, qui demandent beaucoup, mais qui donnent beaucoup en retour, que j'ai pu retrouver, moi, à titre personnel, dans des jeux comme La Route de Chrysopée, c'est-à-dire, on nous offre des éléments structurels, mais il faut quand même amener beaucoup de nous-mêmes pour que ça fonctionne, quoi. Je rajouterais que le jeu aussi, en fait, ils ont mis un an pour le sortir. Le jeu fonctionnait et tout, mais ils ont mis un an pour vraiment le développer. Il y a eu une étude avec des sexologues et avec des psychologues, et donc c'est vraiment un jeu qui a été réfléchi pour qu'il soit relativement safe et secure. Et le fait qu'il soit solo aussi aide beaucoup à ça, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça s'appelle The Beast. Oui, donc c'est d'Alexandra Sotowska et il est sur DriveThru. Ouais. En ce moment, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, sûrement quand ce podcast sera diffusé, ça ne sera pas. À un moment, elle offrait les frais de port. Elle offrait les frais de port comme un prix local, en fait. D'accord. À l'international. Voilà. Et c'est un jeu qui coûte 15€, qui est pas très cher. C'est une expérience intéressante, quoi. Ouais, je vois, les cartes, elles sont belles. Je pense que je vais me laisser tenter. Ok. Alors, donc là, on a un exemple de jeu de rôle solo. Alors, on a un autre exemple avec ton jeu, toi, Gaël. Ouais, donc Happy, qui est en fait un jeu de... qui est à mi-chemin entre le jeu de rôle et la méditation, dans lequel, en fait, on va se créer une sorte d'avatar de soi-même, qui peut être soit une version fantasmée de soi-même, soit vraiment un personnage qu'on crée à partir de zéro. Et ensuite, on va l'imaginer dans une destination, donc un lieu particulier qu'on va explorer. Et donc, il y a tout un tas de mécaniques, comme par exemple le fait d'explorer le lieu selon ses cinq sens. Donc, le but, c'est vraiment de se concentrer sur le côté sensoriel. À la base, en fait, c'est un jeu que j'ai créé pour moi, parce que ça m'arrivait souvent, et je pense que je suis pas le seul. Des fois, quand on a besoin de se détendre, on va s'imaginer dans un lieu, on a envie de se déconnecter de la réalité, et puis on se crée une petite bulle, un petit espace comme ça imaginaire. Mais le problème, c'est que souvent je décrochais très rapidement dès que j'étais sollicité par un environnement extérieur, et donc j'avais envie de me créer des petites règles, tout un process en fait très détaillé, qui me permettent du coup de rester on track, quoi, de rester dans cette fiction là. Et donc après il y a un système de stimuli, c'est en fait on a des propositions, des idées qui nous permettent, si à un moment donné on sent qu'on est en train de glisser, qu'on est en train de perdre pied, ben on va s'inspirer des stimuli qui sont dans le jeu pour relancer en fait l'intérêt qu'on a pour explorer le lieu dans lequel on est, et puis éventuellement discuter ou échanger, partager avec un autre personnage qu'on aura créé aussi à l'avance. Voilà en gros l'idée de Happy. Ok. Donc moi j'ai bien envie de rebondir en plus sur ce que tu disais, parce que Fabrice, il y a vraiment cette idée que je retrouve, parce que souvent on nous dit, c'est vrai que le jeu de rôle solo, il y a un problème, on peut s'attendre à un problème que il n'y a pas de répondant, il n'y a pas un autre joueur sur lequel on va pouvoir faire un ping-pong. Mais effectivement il y a deux choses vraiment intéressantes. La première, c'est effectivement le jeu de rôle solo permet d'aborder des thématiques beaucoup plus intimes, puisqu'on est face à soi-même. Donc ça, c'est déjà pour moi un des premiers avantages qu'on peut avoir du jeu de rôle solo par rapport à d'autres formes de jeux de rôle. La deuxième, c'est effectivement moi ce que j'ai commencé un peu à me rendre compte et à développer de manière théorique, c'est que on se joue contre soi-même. Ou par exemple dans Happy, on est donc dans Hobby, j'ai l'impression qu'on joue un peu sur son inconscient, plus sur le côté sur sa sexualité ou ses désirs, ses pulsions de désir, voilà. De manière générale. Dans Happy, on est dans le côté fantasme, pas seulement sexuel, mais dans le côté fantasme de manière générale. Et donc du coup, ça permet d'explorer ses propres fantasmes, ses propres rêves à travers le jeu, sans avoir le blocage qu'on pourrait avoir si on jouait à deux, à trois, avec d'autres personnes. J'ai envie de dire, c'est pas seulement le cas de tous les GDR solo, mais c'est le cas de tous les GDR solo. Il y en a pas mal qui explorent les émotions, en fait. Mmh. Souvent, on se parle un peu à nous-mêmes. Après, comme on le verra plus tard, enfin, moi j'aurai d'autres exemples où l'intérêt est ailleurs. Mais chaque fois que tu as de l'émotion un peu, c'est souvent, c'est souvent un rapport à toi-même que tu explores. Oui, je dis pas que c'est forcément la même chose dans tous les jeux de rôle solo. En tout cas, c'est plus un peu une réponse que je voulais faire à ceux qui pourraient penser que ça n'a pas d'intérêt, qu'on pourrait faire, je sais pas, du jeu vidéo à la place ou un livre dont vous êtes le héros, on pourra en parler aussi. Moi, j'y trouve un vrai intérêt de ce point de vue-là, et je pense qu'il y a plein d'autres facettes que le jeu de rôle solo peut permettre d'explorer dans sa spécificité du fait qu'on joue tout seul, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que justement le GDR solo, ça met pas mal en lumière que le jeu de rôle, c'est aussi un média, quoi. C'est-à-dire c'est avant tout un support pour faire plein de choses, quoi. Mm. Et pas forcément un jeu d'où tu tires un amusement, quoi. Par exemple, Happy propose de la méditation, peut-être The Beast pourrait permettre d'explorer des zones de toi-même que tu explores peu, quoi. Et peut-être on pourrait imaginer plein d'autres choses qu'on pourrait faire avec le jeu de rôle, comme on fait avec le serious gaming, quoi, en entreprise. Ouais. Bah dans Happy en particulier, il y a une promiscuité avec le développement personnel, parce que c'est un jeu que, évidemment, de méditation déjà, donc qui fait partie un peu de ce domaine-là, et je me suis inspiré d'ouvrages de développement personnel, de méditation. Et d'ailleurs, c'était un peu aussi l'idée du jeu, c'était d'aller plus loin. Souvent, les méditations guidées, apparaissant justement, elles sont guidées, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire exactement ce qu'on nous dit. Par exemple, moi, la méditation, je n'ai pas une grande connaissance en méditation non plus, mais du peu que je connaissais, par exemple, j'avais fait une méditation où en fait, on me disait, imaginez-vous, vous êtes au bord de la plage, vous imaginez le sable, etc. Mais du coup, c'était seulement la plage. Et j'avais envie de faire un jeu où on pouvait se dire, moi, j'ai envie d'être dans un endroit où on a envie, parce qu'il y a certaines personnes, un endroit apaisant, ça peut être en plein milieu d'une foule dans un concert de métal, et c'est pas forcément à la plage, au calme, sur du sable fin, quoi. Tout à fait. Il y a la notion, en jeu de rôle solo, je trouve qu'il y a vraiment la notion aussi d'expérience de pensée, quoi. Il y a ce jeu, malheureusement, dont j'ai oublié le nom, où tu dois te promener en forêt, puis tu t'imagines qu'il y a des monstres. Je crois qu'il y a aussi un jeu qui est fait pour jouer dans le métro, où tu t'imagines qu'il y a des gens en fait dans le métro qui t'espionnent et qui te poursuivent. Alors du coup, on est c'est un peu du jeu de rôle solo GN quelque part, puisque tu vas monopoliser l'espace réel autour de toi, mais en fait, il y a vraiment une expérience de pensée, on se plonge dans une sorte de transe. Ce qui se passe, comme disait Fabrice, c'est qu'avec le jeu de rôle solo, comme on a beaucoup moins de contraintes de réunir des amis pour jouer ou des personnes pour jouer, du coup ça permet d'éclater beaucoup plus ce qu'on a comme contrat social, c'est-à-dire comment on se réunit, etc. Quand on est tout seul, on peut en fait non seulement jouer dans sa tête à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, mais aussi ça permet aussi d'éclater dans le temps, puisque là on a quand on a des jeux, c'est un des problèmes par exemple sur la route de Cryptopée, où parfois on se rend compte qu'on a des fois du mal en fait à arriver à se coordonner pour continuer à s'envoyer des lettres, etc. Mais quand on joue en solo, à part si on est plus motivé ou voilà, on a assez peu de contraintes, on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre, donc tout ça pour dire que ça permet d'éclater les formats. Et là où aussi on va arriver à des jeux où on va pas plus être seulement dans son imaginaire, donc juste dans sa tête, mais aussi on va vraiment agir. C'est là où on va certainement parler des jeux comme Teen Witch ou Brave Sparrow de Avery Magdaleno, où là on nous propose carrément d'aller de faire une expérience dans la réalité d'un rôle, quoi. Ouais, il y a vraiment beaucoup de jeux sensoriels à Avery Magdaleno, en fait. C'est notamment l'auteur de Veuquietière. Et dans moi, comment tu dis? Veuquietière. D'accord. Qui est un jeu en fait de mal building, de world building, c'est-à-dire on va créer un monde en positionnant un certain nombre d'actions à tour de rôle en fait, et qui va permettre d'établir un lieu de vie, un village, etc. Et d'ailleurs, une variante médiévale s'appelle Deep Forest. Et c'est vraiment un jeu qui est beaucoup à la limite de jeu de rôle. Mais là, on n'est pas dans le jeu de rôle solo. Là, pour ouais, on n'est pas du tout dans. Sinon, c'est aussi l'auteur de Monster Hearts pour pouvoir situer l'auteur. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des jeux pas mal centrés sur l'émotionnel. Hein, parce que quand tu réfléchis, Monster Hearts, c'est aussi. On utilise beaucoup les émotions dans Monster Hearts. Ouais. Même si dans un registre un peu plus humoristique, quoi, peut-être. Ouais. Et du coup, donc elle a fait des jeux solo aussi. Oui. Alors, tu peux nous en parler? Je vais peut-être laisser la parole à Gaëlle dans un premier temps. C'est sur son site, s'appelle avec mon accent anglais qui est positivement horrible, Buried Without Ceremony, où elle a pas mal de ses jeux en libre accès, donc deux JDR solo, que sont Brave Sparrow et Teen Witch. Teen Witch, tu as pu le tester, je crois, Gaëlle. Ouais, alors déjà, Teen Witch, moi, c'est un jeu qui m'a pas mal inspiré pour Happy. C'est vraiment une expérience assez. assez particulière. En fait, on nous invite à faire semblant d'être une sorcière adolescente, et donc là, comme je disais, on est vraiment invité à faire acte réel, c'est-à-dire que là, il faut vraiment réunir un certain nombre d'objets comme des bougies, donc vraiment faire. Donc c'est clairement inspiré, je pense, des sorcières, enfin de toutes les courants néo-païens, certainement wiccans, etc. Où, du coup, on va faire semblant, on va pas vraiment faire semblant totalement, puisqu'on va vraiment réunir aussi des bougies, des ingrédients, vraiment pour faire comme si on faisait vraiment des potions, qu'on mettait de l'encens, genre de choses. D'accord, donc il y a un côté un peu grandeur nature, encore une fois. Ouais, voilà. Et du coup. Et voilà, donc c'est vraiment axé sur arriver à se projeter dans ce personnage-là, en l'incarnant vraiment de façon physique. Et je pense que c'est aussi un peu voulu de la part d'Evry Magdalno, qui est très proche de tout ce qui est mouvement queer, etc. Où là, en fait, surtout quand on est un homme et qu'on doit jouer en tant qu'adolescente. Ouais, t'es sur une expérience de l'altérité, quoi. Voilà, c'est ça. Là, moi, personnellement, quand je l'ai testé, c'était assez fort, du coup, parce que on doit vraiment oublier finalement son sexe, son genre. Et je pense que le jeu est très intéressant. Il y a aussi la question de l'âge, évidemment, si on n'est pas soi-même une adolescente ou un adolescent. Donc c'est un jeu qui est très très intéressant d'un point de vue de l'expérience. Mais c'est vrai que là on touche vraiment aux limites, c'est-à-dire que est-ce que c'est encore du jeu de rôle, parce que c'est du jeu de rôle solo, ok, mais on est dans du GN, semi-GN, je sais pas. Ça ressemble un peu à des jeux qu'on pouvait faire étant enfant. Mais mis en forme avec des règles, quoi. Ouais, c'est ça. On revient un peu à la source de. Et si on faisait semblant de ça, de faire ça. Et je pense qu'il y a plein d'expériences intéressantes à faire autour de ça. Tinwich est très particulier parce qu'il faut vraiment que la thématique nous intéresse. Je pense qu'il y a pas, il y a plein de gens pour qui ça pourrait pas forcément parler. Mais du coup, moi, ça, en le lisant, ça m'a vraiment ouvert un champ des possibles en termes de création de jeux de rôle, et en particulier de jeux de rôle solo. Et donc, dans le même genre, il y a Bryce Perrot qui est. Je sais pas quel jeu de rôle est le plus particulier, le plus spécial, le plus extrême. Je sais pas quel terme. Bryce Perrot est assez spécial. Hein. Où on va nous proposer de jouer un moineau. Je sais pas si la traduction est exacte. C'est pas beau, si c'est une hirondelle ou un moineau. Dans les Monty Python, c'est hirondelle. Et ça va même peut-être un peu plus loin que le fait de jouer un moineau, c'est-à-dire on va partir du principe qu'on est un moineau qui a déchu quelque part au stade d'être humain, quoi, et qui a besoin de retrouver une espèce son vrai moineau, son soi moineau, je vais m'exprimer ainsi, qui plus fait de bravoure, de courage, de légèreté, de douceur. Et le jeu va nous inviter à nous balader avec une espèce de sac où on va recueillir des plumes et qui va nous permettre en fait de nous rapprocher de notre moineau. Et ça, c'est que le début, parce que c'est assez barré, je crois, après ce que ça nous propose de faire. Tu de manger des graines. Non. Je me souviens plus de la structure exacte, mais en gros, on nous invite vraiment à faire des actions, là encore dans la réalité, mais ça va beaucoup plus loin que Teen Witch, parce qu'on va nous demander de faire des actions de bravoure. Donc des actions de bravoure, ça peut être par exemple, déjà il faut se rendre, il y a, à un moment donné, il faut forcément se rendre dans un lieu interdit ou quelque part où on n'est pas censé être. Un endroit qui est fermé la nuit ou... Voilà, donc, pas illégal, elle tient à le préciser quand même la base. Non, faut pas que ce soit illégal. Ah, d'accord. Voilà. Mais sinon après c'est très open dans ce que tu peux faire. Voilà, mais ça peut être aussi des choses beaucoup sociales, par exemple, c'est-à-dire chanter en public, c'est-à-dire ça c'est se mettre en danger en fait, ou je sais pas, peut-être faire une forme d'exhibition, ce genre de choses. Du moment que on va pas sur quelque chose de complètement illégal, mais il y a l'idée en fait de vraiment se mettre en danger physiquement, socialement, moralement, voilà, c'est ce que je trouve très intéressant avec Bryce Perrot, c'est que c'est un peu la quintessence de l'exercice littéraire en jeu de rôle. C'est quelque chose qui fait souvent débat, hein, parce qu'on a dans les grosses bases de jeux de rôle avec beaucoup d'éléments d'univers notamment, on a souvent des choses qui sont beaucoup dans l'exercice littéraire. Je pense notamment aux Ombres d'Esteren ou Eclipse Phase, qui sont des bouquins relativement bien écrits, mais qui sont très durs à retransmettre, à assimiler, etc. Et Bryce Perrot, qui a un jeu de 2 pages, il n'y a même pas PDF, en fait, c'est une présentation web, c'est ça qui est assez intéressant, L'exercice littéraire est vraiment là pour vous mettre en condition, quoi. Si, il y a un PDF hein, de plusieurs pages. J'ai pas vu qu'il était téléchargeable. Mais donc, ouais, on utilise vraiment l'exercice littéraire, mais vraiment la quintessence du truc, et vous pouvez être dans l'ambiance. D'ailleurs, il y a une petite note d'intention à la fin pour pas trop partir en psychopathe. quand même, disait bon, effectivement, peut-être vous n'étiez pas vraiment un moineau avant, mais peut-être ça vous a permis de réfléchir sur vous-même, et si ça vous a aidé, tant mieux. Ouais, donc, évidemment, c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que le but du jeu, c'est de se révéler soi-même, et c'est là où on retrouve, pour moi, Teen Witch et Bryce Sparrow sont vraiment. C'est là où on voit que c'est vraiment de la même hauteur, c'est que vraiment on a le. On a cette idée qu'il faut se révéler soi-même, et là on est vraiment, on parle de son soi, de son soi, de la réalité, quoi. On n'est pas, on est plus vraiment dans un rôle complet. Ouais, le jeu te transmet une philosophie. Quoi, il faut oser s'exprimer tel qu'on est, quoi, au final. Ouais, quoi. C'est ça, et puis on retrouve un peu cette idée des thématiques queer, etc., où justement j'imagine, moi je suis pas là-dedans, mais comment on fait quand on se sent d'une certaine nature et qu'on n'arrive pas à se révéler au monde, et j'ai l'impression que c'est des jeux qui parlent de ça. C'est ça, d'ailleurs, ça, en fait, au final, c'est assez fondamentalement politique, Bryce Sparrow, dans le sens, ça réfléchit à quel point tu vas te raboter, tu vas te compresser pour adhérer à la société, quoi. Et Bryce Sparrow, ça t'invite un peu à jouer des coudes et à faire des trucs un peu foufou, un peu original, quoi. Mais voilà, et au final, c'est la conclusion du bouquin, mais au final, voilà, au final, c'est pas très grave, et peut-être ça t'aura fait du bien, et puis voilà, quoi. J'aurais d'autres exemples de JDR solo, mais j'aimerais vous poser des questions, notamment à Thomas qui n'a pas forcément beaucoup parlé, mais on a tous ici autour de la table une pratique de jeu de rôle dans tout le spectre que ça peut recouvrir, quoi. Et moi, ce que je réfléchissais beaucoup quand je connaissais pas trop le JDR solo, c'est une réflexion que j'avais eue en jouant à Ghost Stories, qui est un jeu coopératif, donc. Un jeu de plateau coopératif. On joue des moines qui doivent repousser des fantômes. C'est ça. On peut jouer en solo. Voilà. Et c'est le cas de beaucoup de jeux coopératifs. On en trouve dans Arkham. Bon, je suis pas un spécialiste de jeux de plateau, mais il y en a plein qui sont comme ça, qui proposent généralement de 1 à 4 joueurs, à 5 joueurs, à 6 joueurs. Et t'as toujours le 1 joueur. Et souvent, à quoi ça sert dans le jeu, vu que en fait, la résistance va être symbolisée par les cartes, par les mécaniques de jeu, et non par les autres joueurs. Donc, l'utilité du mode solo, en fait, c'est de se rendre compte. La difficulté du jeu, les différents éléments mécaniques qu'on peut utiliser, en gros se former au jeu. Et je me demandais à vous tous autour de la table, en fait, si vous y étiez déjà arrivé de jouer en solo, ne serait-ce que la création de perso par exemple, ça peut être un exercice de jeu de rôle solo, et peut-être aussi pour, je sais pas, tester des settings, tester des scénarios, tester des mécaniques, etc. Moi, la première fois où je voulais y venir à ça, balancer un petit troll, mais moi, la première fois que j'ai joué en solo, c'est quand j'ai joué à Vampire la Mascarade, que tu fais toute ta création de perso, puis de toute façon, après, comme la campagne dure pas, ton perso il sert à rien, et en fait, t'as joué solo, en fait, t'as joué que le temps de la création. T'y as passé du temps, t'as écrit un background de 3 pages. Et c'était, c'était ouais, quelque part une création de personnage te pose des questions, tout comme un jeu comme The Beast pourrait te poser des questions. Donc, c'est vrai qu'on pourrait admettre que c'est une expérience de JDR solo. Mais si c'est une expérience qui est plaisante, ça dépend des jeux. C'est moi, à Vampire par exemple. Moi, il y a beaucoup de jeux où justement j'ai parfois plus apprécié la création de personnage. Que le jeu en lui-même. Parce que quand tu crées ton personnage, en plus, tu l'imagines dans sa potentialité, ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il va pouvoir vivre comme aventure, comment il va utiliser ce qu'il sait faire, quoi, ses pouvoirs, comment son arc narratif va se déployer. Donc, tu es en train de déjà t'extrapoler, tu vis déjà l'aventure dans ta tête, quoi. C'est vrai, ouais. On est déjà en train de jouer, en fait, quand on crée un personnage. Ouais. C'est une réflexion que j'ai énormément en convention par rapport au jeu L'Agence. Du nom de l'auteur que j'ai déjà zappé. Adrien Cahuzac. Adrien Cahuzac. Pardon, Thomas ? Il y a un compte en Suisse, Adrien Cahuzac. Je crois qu'il y a une histoire avec les Panama Papers. Et moi, personnellement, on fait souvent la réflexion. Je préfère la création de personnages. Il n'y a pas juste une création de personnages, c'est-à-dire un personnage avec toutes ses interactions, toutes ses potentialités. Où on va créer beaucoup de liens, d'objectifs, etc. Et bien les gens me disent, moi je préfère de loin cette création là, d'ailleurs des fois je joue que ça. Mais moi par exemple j'aime pas l'agence, j'aime pas du tout ce que ça me propose de jouer, ça me propose de jouer des personnages archétypaux et ça m'ennuie. Alors que la création, la préparation, j'en ferai 15 à la douzaine quoi, et je m'éclate à les faire. Ah, c'est marrant ça. Mais c'est vrai que ouais, du coup il y a pas mal de moments où la création de perso on s'y prend quoi, surtout quand... quand l'univers est bien rempli, tu posais la question pour Vampire, mais moi, ouais, chaque création de perso à Vampire, à chaque fois, pour moi, c'est un plaisir, quoi. Tu peux relier ça aussi, tout simplement à la lecture d'une base de jeu de rôle. On appelle ça la lecture ergodique, moi j'appelle ça la lecture potentielle. C'est qu'en fait, quand tu vas lire une base de jeu de rôle, t'es déjà en train d'imaginer l'univers qui se déploie, les aventures que les divers personnages pourraient vivre et tout, et ça explique, pour moi ça explique en partie le fait qu'il y ait plus de jeux achetés que de jeux joués, parce qu'en fait déjà lire une base de jeux de rôle c'est déjà joué quoi, et même des fois il y en a qui passent pas à l'acte de réunir du monde pour faire la partie, puisque les aventures qui sont faites dans leur tête sont plus belles que celles qu'ils espèrent faire avec des gens. C'est super intéressant. C'est vrai, c'est vrai qu'il y en a plein qui disent ce jeu-là, je me sens pas de le masteriser. Je l'ai lu, je connais l'univers par cœur, mais je me le sens pas. Quoi, non, parce qu'en fait, tu t'es déjà fait l'expérience. Et je trouve qu'un des jeux qui procure bien ça, c'est toute la... tout sens renaissance, mort et puis néant. ouais, non, mais. Justement, tu prends les révélations en face, t'imagines comment tu peux réagir, qu'est-ce qui m'attend par la suite. Est-ce que je peux parler du coup de mon expérience sur le jeu de rôle solo? Bah vas-y, non, t'as pas le droit. Pardon, salut. Vas-y, de l'avoir connu, merci pour la bière. En fait, ouais, moi, comme tu disais, j'ai déjà fait du jeu de rôle solo avec Inforenza, donc c'est un jeu à l'époque où je développais. Donc c'est un jeu où on joue des héros, des salauds et des martyrs dans l'enfer forestier de Millevaux. Et donc au départ, c'était pour playtester le jeu, notamment l'équilibre. Donc ce que je faisais, c'est que je me faisais plusieurs personnages. Et comme le jeu est très structuré, en fait, il y a un tour consacré à chaque personnage pendant lequel les autres personnages peuvent agir, mais le projo est sur le personnage dans ses tours. Il y a ce que j'appelle un engrenage narratif, c'est-à-dire que il y a des dés qui vont générer de l'univers. Chaque conflit, chaque jet de dés va avoir des conséquences assez profondes et avec pas mal de détails de l'univers qui vont surgir quoi. Par exemple, si je combats un vampire, les dés vont me dire si j'ai réussi à le vaincre ou si au contraire je suis vaincu, mais ils vont aussi me dire si j'ai une blessure en amour ou si j'ai une blessure en nature. Et moi je vais devoir évaluer c'est quoi, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement cette blessure quoi. Et tu me donnes envie de tester une Florenza solo. Et ouais, j'ai fait des 4 comptes rendus de partie sur le net. Le Pèlerinage des Morts, le Totem du Roi des Vosges, Tes Paroles ne m'atteignent pas, qui est aussi en fait l'exemple de partie du livre de base quoi. Et puis moi, dans le livre de base c'est écrit, il y a des noms de joueurs et joueuses imaginaires, mais en fait c'est moi qui ai joué tout seul. C'est super intéressant. Donc t'es en train de nous dire qu'il y a un exemple de partie dans Inforenza. Ouais. L'exemple de partie, c'est une partie solo. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que j'écrive un exemple de partie où on monopolise toutes les règles de façon progressive comme un tutoriel quoi. Et sauf que j'avais pas le déroulé en tête. Et du coup, tous les jets de dés, en fait, j'ai fait les jets de dés en cours de route et j'écrivais la partie en cours de route. Et aussi le bagne rouge parmi les trucs que j'avais fait en solo. Et je trouve qu'on est, du coup, avoir plusieurs personnages, c'est une expérience vraiment intéressante parce que tu vas jouer avec des parties de toi qui se répondent. En plus, le jeu s'appelle Héros, Salaud et Martyr. Donc, généralement, au début, je faisais un personnage qui était vraiment chevalier blanc. Après, il y avait le personnage qui était plutôt une victime. Et puis, il y avait le gros salopard, quoi. Et puis, voilà, ils se répondaient, ils s'envoyaient des coups dans la gueule. Et puis, le jeu faisait que ça les tordait. Et du coup, ça comment échanger complètement le caractère du tout au tout. Et puis, ça t'envoie des images dans la tête, enfin, d'aventures complètement dingues. Moi, j'avais vraiment du coup, comme je jouais tout seul, je pouvais prendre tout mon temps pour imaginer les décors dans leurs moindres détails, quoi, puisque du coup, quand tu joues sans écrire, en fait. Et puis toi, pour t'avoir vu jouer à Milvo, t'es un malade, quoi. Enfin, quand tu décris des trucs, c'est à cause de toutes les drogues que je prends pour rester créatif. Tu connais bien, en plus, tu connais super bien, quoi. Moi, ma théorie, c'est qu'il a été abandonné dans une forêt quand il était tout petit, et je pense qu'il s'en est jamais remis. Voilà, c'est vrai que, est-ce que quelqu'un te connaît avant tes 15 ans Alors, du coup, ça, c'est deux choses intéressantes. Du coup, c'est déjà la première chose, c'est de pouvoir utiliser le jeu de rôle solo comme un outil, déjà. Mm-hmm. Donc, de dire, voilà, j'ai un jeu de rôle, mais je peux pas toujours faire des playtests sans arrêt parce qu'il faut réunir du monde. Et puis aussi, des fois, parce qu'on, quand c'est des questions d'équilibrage, des questions comme ça, on n'a même pas envie, en fait, de playtester avec des gens. On a d'abord envie de vérifier que nous, dans notre tête, l'univers, il s'imbrique bien, etc. Donc, je pense que finalement, on est beaucoup, beaucoup d'auteurs de jeux de rôle, en fait, à faire du jeu de rôle solo, même parfois sans le savoir, je pense, où on est bien obligé de s'imaginer. Frédéric Synthèse dit souvent, quand on veut créer un jeu, il faut d'abord s'imaginer quel genre de scène on a envie de voir dans son jeu. On est déjà en train de faire du jeu de rôle dans sa tête à ce moment-là, puisqu'on est en train déjà de se dire, les scènes que j'aimerais bien dans mon jeu, c'est ça. Ouais, et tu fais ton petit théâtre mental. On est en train de créer une petite scène entre 2, 3, 4 personnages, et ça y est, on est déjà en train de faire du jeu de rôle solo, et ça nous sert d'outil. Mmh. Et la deuxième chose, du coup, que je trouve intéressante, c'est que, en plus, on peut y prendre du plaisir. C'est pas seulement un outil où, en fait, c'est chiant, je le fais pour moi-même. Je pense que les auteurs, globalement, on prend plaisir, en plus, à se plonger dans notre propre univers, une expérience d'immersion qui est vraiment forte, à l'explorer, à le construire aussi, parce que j'imagine que quand on fait ce genre d'exercice, au début on a une espèce d'ébauche des fois d'univers, et puis en l'explorant nous-mêmes, on sait ce qu'on a envie d'y mettre, donc on expérimente, on teste, c'est un peu comme si on avait une sorte de toile vierge, puis parce que c'est ça aussi le jeu de rôle solo, c'est que on peut annuler les choses très rapidement. Je parlais du contrat social tout à l'heure, quand on est à plusieurs joueurs, si jamais il y a quelque chose qui nous a pas plu ou quelque chose comme ça, il y a tout un processus social qu'il faut enclencher si on a envie d'avoir un veto, si on veut dire ouais ça je trouve que c'est moins bien et tout ça. Quand on est en tout seul, là je mets une tour et je l'imagine comme ça, après je suis en train de raconter autre chose, je me dis la tour finalement c'est dommage qu'elle soit comme ça, pour le bien de mon histoire j'aimerais mieux qu'elle soit comme ça, pour qu'on la change. C'est presque une notion de rêve éveillé, quoi. T'as un peu l'impression de rêver, quoi. Moi quand même, pour moi c'est pas du jeu de rôle solo quand même, ça. Faut quand même le. Déjà je suis pas super d'accord avec les théories de Romaric sur le Maelstrom ou autre. Mais pour moi, il suffit juste de se référer aux définitions anglaises pour avoir une définition du jeu de rôle. Et s'ils ont ajouté game à role-playing, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une structure. Et à partir du moment où on est complètement en roue libre, où on est juste en train de lire un background et délirer tout seul, on est dans le play, on n'est pas dans le game. On est dans le roleplay, pas le role-playing game. Et pour moi, en fait, si on se réfère à la définition anglaise, ça devient limpide. On fait du roleplay, peut-être, en solo, mais on n'est pas en train de faire un jeu de rôle. Ouais, mais à partir du moment... la question que tu vois, les exemples que tu as donné, il y avait du game, hein, parce que, par exemple, Influenza, il y a une structure, une création de personnage. Mais la lecture... La lecture ergodique, effectivement, il y a plus dans le play, on est d'accord. À partir de quand on peut estimer qu'il y a une structure qui justifie d'appeler ça la structure, du game? La structure qui t'aide à écrire ta propre histoire, enfin à la penser en tout cas. Ouais, où t'es pas juste en roue libre, mais quand même, on est quand même d'accord qu'il n'y a pas une limite nette à un moment donné. S'il n'y a pas de limite nette en lisant Game of Thrones aussi, quoi, ça marche, quoi. C'est là où, avec un jeu comme Influenza, enfin pour moi aussi avoir testé l'expérience solo avec Inflow, ça marche bien parce qu'on a des supports mécaniques. Un engrenage, quoi. Voilà, qui font évoluer l'histoire. Et je pense n'importe quel JDR qui propose un support mécanique qui fait évoluer l'histoire, et pas juste un oui et ou un non mais comme dans Wordsburg par exemple. Vraiment quelque chose qui dit de manière relativement précise comment ça va évoluer, comment l'histoire va évoluer, bah, c'est assez propice au JDR solo, quoi. C'est vrai. Ah. Donc peut-être des mécaniques aussi un peu à l'Apocalypse World, pareil, il y a des conséquences assez nuancées au jet de dés, permettrait de plus ou moins ça, explicite, ouais. Au moins, ouais. Sans forcément être extrêmement explicite. Mais... Alors par contre, toi, tu disais que tu as fait ça pendant les périodes de playtest, ouais. Et tu l'as jamais refait après? Bon, en fait, j'ai fait 4 parties, ça me convenait bien, c'était en plus à une époque où je manquais de créneaux pour jouer avec des gens, donc... effectivement, après, je suis passé à... Mais quelque part, à chaque fois que je dois redévelopper un jeu... et que je dois écrire un exemple de partie, je refais, je me reprête à l'exercice de la partie solo, quoi. Ok. Est-ce que on a d'autres trucs à dire, Thomas, toi, tu ou Gaël? Moi, j'avais un truc rapide. Ouais. C'était ouais, un partituré ironique sur les comment on parlait vite fait des livres dont vous êtes le héros. Ouais. Moi, je voulais aborder ça. Moi, j'ai enfin juste j'ai tendance à penser que dans ma tête, ouais, les livres dont vous êtes les héros, c'est du jeu de rôle à proprement parler, même si effectivement l'émergence elle est différente que dans un jeu de rôle solo qui est une expérience de pensée où t'as quand même une grosse émergence. Dans le jeu de rôle solo, comme tu suis une arborescence avec des choix A, choix B, c'est clair que l'émergence elle est beaucoup moindre. Mais dans mon esprit, dans ma définition, ça reste du jeu de rôle. Et je voulais juste citer une référence vachement intéressante sur le média là. C'est la conférence « Un coup de dé, jamais n'abolira la lecture » qui a été faite à Paris 13 par Mathieu Freyex. Alors il m'excusera si j'écorne son nom. On mettra, si tu veux, ouais. Le lien. Ouais, c'est disponible sur Internet. Ouais, elle est vraiment très sympa, cette conférence sur le jeu dont vous êtes le héros. D'accord. Vous avez des choses à dire, vous, sur le livre dont vous êtes le héros, Fabrice? Oui, moi, l'inflexion que je voulais avoir, c'est une inflexion que j'ai eue quand j'ai démarré du jeu de rôle. On va dire. J'ai demandé ben, pourquoi faire du jeu de rôle, j'étais en association et tout, etc. Ben, on m'a dit, ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire à plusieurs. C'est qu'on va vraiment beaucoup utiliser l'imaginaire, on va se projeter et on va voir... une infinité de possibilités, quoi. Alors que si tu veux jouer tout seul, entre guillemets, effectivement, un livre dont vous êtes le héros ou un jeu vidéo, bah, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Mais moi, je trouve pas tant que ça, en fait. Parce que aussi bien un livre dont vous êtes le héros qu'un jeu vidéo, ça va fixer ton imaginaire par des descriptions précises, par une scénographie précise, même des scènes en l'état. C'est-à-dire par une arborescence de choix limitée aussi. Oui. Aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas où est la place de mon imaginaire dans la plupart de ces jeux, en dehors de peut-être quelques jeux vidéo tels que les Click and Point ou autres. Et ce que j'apprécie dans le JDR solo, c'est que je peux utiliser mon imaginaire à moi et apporter des choses que ne m'apporteraient pas les autres supports, quoi. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je rajouterais aussi que... je crois pour l'instant, il y a plein de choses à faire. Enfin, à mon avis, c'est un domaine qui est vraiment à défricher. Là, on a cité quelques exemples de jeux, mais qui sont déjà extrêmes en eux-mêmes. C'est-à-dire, les jeux d'Evry McDaniel, on est carrément dans du GN ou du semi-GN. Je trouve qu'on manque encore de jeux. Même moi, je j'ai pas peur d'admettre que même Happy est déjà aussi un extrême, parce qu'on est à mi-chemin entre la méditation et le jeu de rôle. Et j'aimerais vraiment voir émerger du jeu de rôle solo dans lequel on va retrouver pourquoi pas des thématiques des mondes imaginaires, etc., plus pragmatiques, où on fait des aventures et où on va pouvoir le faire tout seul. Et je trouve que pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc déjà, les jeux qu'on a cités sont anglophones, donc en France. Surtout, ça manque de jeux qui sont spécialement designés pour, parce que tu as tant doute me parler que toi, tu arrives à faire du jeu de rôle solo avec des jeux qui sont prévus pour plusieurs. Moi, Inforenza, dans le livre de base, comme j'avais testé comme sur 4 séances, et j'ai vu que ça avait marché, j'ai écrit dans le livre de base. Vous pouvez jouer solo, vous prenez un personnage, plusieurs personnages, mais vous avez un engrenage narratif qui fait que ça va vous ça va vous accompagner, ce serait pas tout seul pour générer de l'aventure. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que moi, c'était une question qui m'avait été posée quand j'ai créé Happy, c'est que j'avais déjà en tête de créer donc ce que je suis en train de développer aujourd'hui qui s'appelle Happy Together et qui changera certainement de nom, où là on joue à plusieurs mais avec des thématiques proches, et on m'avait dit naturellement ça, pourquoi tu fais pas Happy ou Happy Together avec un nom et tu réunis pas les deux et tu dis on peut jouer en solo ou à plusieurs, et ma réponse était assez simple, c'est de dire justement c'est si à chaque fois on fait des jeux où en fait c'est pas une critique envers ton jeu à toi spécialement, mais c'est vrai que si on fait des jeux à chaque fois où on dit vous pouvez jouer en solo mais en fait le jeu il a été quand même designé, ouais, tout à fait, t'appelles de tes voeux des jeux qui soient vraiment pour le coup spécialement conçus pour le solo, quoi. Voilà, c'est ça, surtout qu'en plus une expérience recentrée là-dessus, ouais, pour reboucler ce qu'on disait au tout début, c'est qu'en plus les jeux solo permettent des choses qu'on ne pourrait pas faire avec plusieurs joueurs, dans le fait de tout ce qu'on a dit, le fait que ce soit plus intime, le fait qu'on ait moins de contraintes de temps, d'espace, etc. Et donc ouais, j'aimerais bien qu'il y ait plus de jeux, non pas qu'ils se disent on peut jouer à plusieurs, enfin c'est bien aussi qu'il y en ait, hein, je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait, mais des jeux qui disent le jeu il a été plutôt conçu pour jouer à plusieurs mais vous pouvez jouer tout seul, ça c'est vachement bien, mais c'est vrai que naturellement comme aujourd'hui le jeu de rôle solo, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'a pas trop d'intérêt, du coup s'il y a des publications dans ce registre là ce sera autant d'invitations à le faire. C'est vrai qu'un jeu qui propose les deux formules, jouer en solo, jouer à plusieurs, finalement tu vas lire le jeu puis tu vas te sentir plus invité à aller recruter des personnes et puis jouer. Donc voilà, c'est vrai que s'il y avait un corpus un peu plus grand de jeux de rôle solo, ça permettrait je pense à des gens de se dire ah ouais, donc il y a quand même un certain nombre de jeux qui existent, donc ça veut dire qu'il y a certainement un intérêt, c'est un peu la loi de la comme il y en a, ça veut dire que c'est intéressant. C'est un peu souvent, j'en parle d'ailleurs dans le milieu de jeux de rôle de manière globale, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est quand on dit il y en a pas, mais c'est parce que ça intéresse pas les joueurs, mais du coup c'est un cercle vicieux parce que forcément si ça intéresse pas les joueurs ils vont pas en créer en tant qu'auteur ou ils vont pas en consommer. Voilà. Je vais me permettre un petit parallèle là aussi sur des publications. On a une offre jusqu'à présent réduite, même encore plus réduite que sur les jeux de rôle solo, c'est sur les jeux de rôle un MJ, un personnage. Le seul que je connaisse qui propose ça, c'est Scarlet Heroes, malheureusement j'ai mangé le nom de l'auteur, qui propose de faire du médiéval fantastique, un petit peu ambiance vieux Donjons et Dragons. Et donc tous les équilibres sont pensés en fait, tous les donjons sont faits pour un seul personnage, quoi. Là c'est pareil, c'est intéressant qu'il ait fait un jeu qui propose que ça. En plus je pense qu'on est beaucoup à avoir pratiqué le jeu de rôle sous ce format. Moi je sais que je l'ai énormément fait avec juste un joueur, et c'est pareil, on est sur des expériences qui sont très différentes finalement du jeu de rôle du jeu de rôle avec 2, 3, 4 personnages. Et les jeux qui sont faits pour jouer à deux, tu les comptes pas là-dedans ? Si, effectivement. Donc, c'est vrai que tu rajoutes des jeux comme La Saveur du Ciel, Breaking the Ice, Poltergeist, Slay with Me, même si c'est plus ou moins perméable, enfin dans La Saveur du Ciel ou Slay with Me, encore que Slay with Me, tu peux pas normalement, on peut avoir des rôles très définis. Dans Poltergeist, clairement, le joueur joue un joueur et l'autre, comme on l'appelle, c'est vraiment le... Dans Slay With Me, on a vraiment d'un côté celui qui joue le héros et de l'autre côté le joueur qui va jouer le monstre et l'amant, voire des fois ça peut être la même personne, mais en tout cas il y a quand même de toute façon dans ces jeux-là c'est difficile de parler de MJ et de joueur, mais quand même on sent qu'il y a quand même un côté. Bah dans Poltergeist c'est flagrant quand même, hein, parce que c'est une grosse asymétrie dans Poltergeist. Un truc en plus à la Apocalypse World un peu, donc il y a que le joueur qui tire les cartes. C'est vrai. Et sinon, moi, je pense que les jeux de rôle qui sont généralement équilibrés pour plus de joueurs, quoi. Alors équilibrés que soit en termes d'adversité ou tout simplement en termes de jeu, quoi. Les jeux qui fonctionnent sur des schémas relationnels entre personnages, c'est vrai qu'en général, ils sont pas forcément pensés pour le jeu à un seul joueur. Et c'est intéressant quand le jeu propose un équilibrage qui puisse s'adapter au mode un seul joueur, quoi. À mon avis, c'est une chose qui mérite d'être pensée en amont quand on prépare une sortie jeu de rôle, quoi. Mais le jeu de rôle de joueur a un petit peu les mêmes problèmes que le jeu de rôle solo. C'est-à-dire que pour beaucoup, alors je fais une généralité, mais c'est un peu d'expérience quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de rôlistes qui considèrent qu'une partie, en général, il faut être 3, 4, 5 joueurs, voire même plus, éventuellement 6, 7 joueurs. Il y en a qui considèrent qu'à partir d'un certain nombre de joueurs, ça commence à être trop. Mais globalement, voilà, souvent le consensus que j'ai entendu... Il y a souvent des rendez-vous qui avortent parce qu'on est juste 3 et du coup, on voilà, se passe. Voilà, c'est vrai que j'ai vécu ça. Alors que c'est vrai que moi, j'ai eu des expériences de jeu vraiment formidables en jouant à 2 ou à 3. Et alors forcément le jeu de rôle solo est encore moins, encore aussi cette réputation d'être pas forcément intéressant, mais déjà il y a un vrai travail à faire rien que sur les jeux à 2 ou 3, alors que ça peut créer. Et alors là aussi on a des spécificités, bon, même si là on était parti pour parler de jeux de rôle solo, mais on peut en parler, mais on a aussi des trucs un peu proches, c'est dans la mesure où par exemple le fait d'être que 2 joueurs ou 3 joueurs, ça crée une intimité beaucoup plus forte que si on était 4, 5, 6 joueurs, et donc ça permet aussi des parties, et moi j'ai pu vraiment m'en rendre compte. Tu peux aller sur le terrain de l'introspection. Voilà, pour peu que ce soit des personnes qu'on connaisse bien aussi, en plus, ça peut vraiment faire des parties beaucoup plus profondes. Donc, ça a un intérêt aussi qui est souvent qu'on a, auquel on pense pas forcément. Mais ouais, en fait, chaque configuration du nombre de joueurs peut vraiment permettre des expériences différentes qui sont pas à négliger. Voire je dirais c'est même pas le même jeu, tu changes le jeu. J'ai fait un test récemment histoire de juste pour tenter des trucs un peu bizarres. J'ai testé Warhammer 2ème édition, le Warhammer médiéval. Le bon vieux Warhammer avec le nom. Donc pour aucun... rappeler ceux qui connaissent pas, enfin moi je suis très loin d'être un expert à Warhammer, hein, mais c'est donc. Donc t'as joué tout seul quoi. J'ai joué tout seul. À Warhammer. C'est un monde donc médiéval, on va dire régulièrement soumis aux invasions des créatures du chaos qu'on peut interpréter un petit peu comme des démons. Mm-hmm. Et donc un monde assez jusqu'au boutiste avec une religion très carrée, un monde très létal où quand on part aux champignons souvent bah, on revient pas forcément. moi je me suis dit bah, allons-y, en plus, après tout ça fait partie de ces jeux qui nous disent si vous voulez changer les règles, changez-les. Ben voilà, ouais. Donc, c'est le fameux jeu qui dit que toute petite fille se balade avec un couteau, c'est ça ? Oui, ou dans les. Il y a toute une histoire de carrière dans Warhammer, et il y a le témoignage d'un boucher qui disait avant, je découpais des carcasses de corps, maintenant que je suis aventurier, ça me change pas beaucoup. voilà, c'est pas un monde qui est tout doux, tout chopinou. Hein. Je me suis dit que presque ce que j'ai fait en fait c'est une sorte de mode debugger dans l'informatique quoi. C'est-à-dire c'est un mode sans échec qui va nous permettre de comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. En fait, ce qui fait bugger c'est les autres joueurs. En fait, c'est ces autres cons. ça va nous permettre en fait de comprendre ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne mal dans le jeu. J'ai repris le scénario du bouquin de base. Qui est réputé d'ailleurs comme étant l'un des pires scénarios jamais écrits pour cette deuxième édition. Ah, t'as poussé le vice. T'aimes les challenges. Comment tu fais pour jouer un scénario ? Donc du coup, tu connais déjà l'intrigue, les décors, les figurants, et tous les complots qu'il peut y avoir, et tu joues en connaissance de cause, du coup. Tout à fait. C'est ça qui est très intéressant. Donc le scénar s'appelle... Je vais peut-être dire des conneries sur Warhammer, moi je suis très loin d'être un spécialiste. Oh. Je vous laisse libre de m'insulter dans les commentaires, je vous en prie. Oui, de toute façon, ils ne nous écoutent pas. Voilà. Enfin, les trois qui nous écoutent, vous pouvez nous insulter. Voilà. Donc ça s'appelle En passant par le Drakewald, enfin, c'est pas très important. Et l'histoire, c'est un groupe donc de personnages qui, suite à une grande guerre, se retrouvent dans un petit village. Et en fait, ils doivent aider au transport d'un convoi, et donc sécuriser le convoi d'un point A à un point B. Voilà, c'est un scénario comme on en a vu beaucoup, je pense. Et ce qui est très intéressant, ben justement, comme Thomas le souligne, c'est que c'est un scénario. Et le scénario n'est pas très apprécié parce que justement, bon, c'est le cas dans beaucoup de scénarios, mais celui-là est vraiment très archétypal à ce niveau. C'est-à-dire, il y a une succession de scènes. C'est-à-dire, on va démarrer le voyage, on cherche à récupérer des ressources. Là, il y a une attaque de brigands. Voilà, attaque de brigands, un antagoniste, deux antagonistes, trois antagonistes. C'est physique, un combat à l'épée, initiative. C'est-à-dire, c'est trop tard, hein, en combat, vous n'avez plus le choix. Ah ouais? Et, c'est juste ça, c'est une série d'embûches C'est surtout une série d'embûches, et puis à la fin, il y a plus ou moins une intrigue avec une invocation de démons. Un petit dilemme moral qui va bien, et puis hop. Oui, dans la mesure. Il y a un dilemme moral qui va bien. Non, non, il n'y a pas le dilemme moral, c'est l'invocation de démons, donc il faut arrêter le démon et tuer la personne qui a invoqué, enfin plus ou moins. Si les PJ ne l'ont pas tué entre temps, dans ce cas-là, voilà, tu peux mettre ton scénario de côté. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça veut nous poser des questions en fait de jouer comme ça. C'est logique que le JDR solo ait des buggers. C'est-à-dire, bon ok, le plaisir a priori, ça va être de découvrir le fil de l'histoire. Quoi. Qu'est-ce qui va se passer, avancer, un peu défendre son personnage, etc. Mais si je connais tous les secrets, tous les embûches, tous les trucs à éviter, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est donc ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que l'espèce de jeu va me laisser. Et en l'occurrence, dans ma partie, j'ai fait beaucoup de dramaturgie, tout simplement parce que mon personnage était tellement faible qu'il fuyait tout le temps, et devait tout sans arrêt se justifier par rapport aux autres personnages, et ça a créé beaucoup de dramaturgie. Et non, mais je suis parti faire de la reco dans les bois, j'ai pas fui du tout. Voilà. Et pourquoi t'avais besoin de prendre la caisse de la caravane? Et en fait, t'es dans une posture vachement d'auteur, parce qu'en fait, à chaque fois, tu sais ce qui va se passer, tu dis ah, si je fais ça, ça va rebondir par rapport à ça, et des trucs comme ça. Et en jouant ce jeu, je me suis dit, bah, ça pourrait être super d'avoir des scénarios tout faits où tous les joueurs le connaissent, et justement, leur rôle, ça va être de se positionner pour mettre des enjeux super dramaturgiques par rapport à des éléments fixes. Et... on retrouve un peu une structure d'épopée, c'est-à-dire que on sait qu'à la fin il va se passer ci et ça, qu'on va plus ou moins gagner ou perdre, mais par contre ce qui nous intéresse c'est de savoir comment les héros vont y parvenir, et c'est vrai que du coup c'est presque plus simple que d'avoir un scénario qui est caché par un MJ. Souvent on dit en fait les joueurs ont pourri le scénar, et moi je dis une école qui pourrait être inverse, c'est là où je dis que JDR Solo peut être un outil de réflexion, ça peut être, bon, les joueurs connaissent le scénar, comment ils pourraient l'améliorer. et c'est une démarche qui est inverse, qui est peut-être plus proche du théâtre ou autre, mais moi j'ai trouvé ça intéressant sur cette partie. Bah, c'est un peu ce que propose le jeu Bimbo, quelque part, où les scènes sont déjà préécrites, on demande juste de les interpréter. D'accord. Et du coup, c'est fou, quoi. Et tu dis que ça a créé vraiment de la dramaturgie, quoi, Oui, parce qu'il te reste que ça, parce que sinon Warhammer, c'est quoi? C'est un système où tu cherches à combattre, à faire des passes d'armes. Souvent, les gens n'arrivent pas à se toucher, ou ils essaient, ou ils sont blessés, ou alors ils prennent une peur, ils courent, ils reviennent dans le combat. Enfin, c'est des éléments assez laborieux. Donc ça te donne la réflexion, si le cœur du jeu qui fonctionne plus ou moins n'est plus là, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste... il nous reste ce qu'on pourrait appeler la compensation, c'est-à-dire ce qu'on va amener de nous-mêmes, en fait, en dehors de ce qu'amène le jeu. Et c'est ce qu'on fait dans beaucoup de gros JDR à univers, quoi. Et c'est des éléments qu'on analyse peu souvent en termes de game design, c'est-à-dire c'est ce qu'amènent les joueurs et ce qu'ils vont tenter à créer pour compenser certains éléments du jeu qui sont pas là, quoi. Il y avait Beloved dans les jeux solo qu'on avait manqué de citer. Hein. Ouais. De Ben Lehman, Beloved. Qui est assez particulier, vraiment très proche de l'expérience de pensée pour le coup. Ouais. Alors moi franchement je... Enfin, j'ai pas compris, quoi. Enfin, ouais, moi je l'ai pas testé parce que j'ai pas réussi à comprendre comment en fait, on jouait. Alors, grosso modo, Beloved, c'est histoire de... T'as bien aimé, elle s'est fait kidnapper par un méchant. Ouais. Et elle est gardée par un monstre, ouais. Et donc il faut avoir un... Tu prends ton bout de papier, tu dessines le monstre dessus, tu plies ton bout de papier, tu te le mets dans le portefeuille ou je sais pas quoi. Le but, c'est qu'on l'ait tout le temps sur soi, je crois, dans l'idéal. Ouais, d'accord. Oui. Et qu'en fait, bah, quand t'as le temps ou quand il pense d'un seul coup, tu dis ah mais oui, voilà, c'est comme ça que je vais le défaire. Voilà, et tu dessines, je crois, l'arme que tu vas utiliser pour le défaire, je crois, un truc comme ça. Tu dessines le combat, ouais. Mm-hmm. Et après, tu l'as vaincu. En plus, le principe est calqué sur celui du vieux Mario. Mario Bros, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu bats le mec, on te dit bah désolé mais la princesse elle est dans un autre château, et donc tu dessines le prochain méchant et t'es reparti. Jusqu'à ce qu'à un moment t'en aies marre et que tu dises que ok la princesse elle est là, quoi. Mais c'est pas ça, c'est que elle est pas dans un autre château, c'est que tu trouves une princesse. Mais il y a un twist, soit c'est pas celle que tu recherchais, c'est celle que tu recherchais, mais finalement elle t'intéresse plus autant que ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une expérience de pensée, c'est-à-dire que pour le coup tu parlais du game et du play, C'est vrai que dans Beloved, on est vraiment sur le play, quoi. C'est-à-dire que juste on décrit. Alors, quelque part, il y a une histoire qui est plus ou moins préécrite avec juste. C'est toi qui vas déterminer combien il y a de boucles. Et puis surtout, c'est, tu vas habiller cette histoire, quoi. T'imagines, ouais, tu t'imagines les situations, tu dessines. Ouais, tu penses un peu tout haut, quoi. Du coup, vous parlez de Beloved, c'est vrai que c'est assez important de parler. Une des ressources, hein, où je trouve des jeux de rôle solo, finalement, la plus grosse ressource, c'est un site qui s'appelle RPG Solitaire Challenge. Qui est un concours qui s'est tenu, je sais pas en quelle année, il faudra regarder, et je crois pas qu'il ait été reconduit, parce qu'à chaque fois que j'y retourne, il n'y a pas de nouveaux jeux depuis quelques années. Et en fait, on retrouve assez curieusement plein de jeux de rôle solo qui ont été créés dans le cadre de ce concours, donc qui étaient spécialement créés pour faire du jeu de rôle solo. Et on retrouve des auteurs relativement reconnus, en tout cas dans le milieu du jeu de rôle indépendant anglophone. Donc on a des jeux de Emily Carboss, de Vincent Baker, de Ben Lehman, peut-être pas de Vincent Baker, en tout cas Ben Lehman pour sûr. Epidira Vachol, Evry McDonough, on retrouve Teen Witch notamment. Et donc c'est une ressource assez intéressante et en même temps un peu décevante, parce qu'en fait les jeux de rôle sont tellement expérimentaux, et ça c'est certainement du fait aussi que c'était un concours, donc il y avait un temps limité, ce qui fait qu'on se trouve avec des jeux des fois qui sont à la limite de justement, on va juste lire le, finalement déjà le lire c'est déjà une expérience assez expérimentale et on va pas forcément y jouer, et pour ceux qu'on va jouer tout est pas expliqué. Ouais, encore toute une ingénierie à développer, quoi, sur ces jeux. Ouais, c'est ça, beaucoup de choses à compenser. On sent que. Et c'est plutôt décevant parce qu'on se dit que c'est quand même des auteurs qui ont fait des jeux assez reconnus dans ce qui est des jeux de rôle à plusieurs. Et là, en jeu de rôle solo, on sent qu'ils sont. Moi, je trouve en tout cas qu'ils sont un peu perdus et qui nous font des choses, à mon avis, qui sont pas complètement terminées. C'est une frontière qui reste à explorer, quoi. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, voilà. Je voulais parler de ça, donc si vous pouvez retrouver ça sur le. On mettra peut-être le lien aussi. Donc c'est ouais. RPG Solitaire Challenge. Il y a certainement d'autres ressources. Il y a aussi des auteurs anglophones, certainement, qui ont des jeux de solo sur leur site. Des jeux solo sur leur site. Comme nous, on a trouvé Brave Sparrow sur le site d'Evry McDonough. Mais c'est vrai que trouver des ressources sur le jeu de rôle solo, c'est aussi une des limites qui fait aussi que, à la fois, c'est pas forcément très reconnu et qu'en plus, ça donne pas forcément envie d'en créer soi-même, puisque c'est difficile à trouver. Et alors, je parle pas en francophonie, où moi, à ma connaissance, j'imagine qu'il doit quand même en exister. Mais moi, à part le mien, j'en connais pas en francophonie de jeux de rôle solo. Je serais curieux de savoir ce que Google nous sort en première réponse si on tape jeu de rôle solitaire. Oui, très certainement. Ouais. Je me demande justement si JDR solo est pas cantonné au JDR expérimental, comme pendant longtemps le JDR indépendant l'a été, et il est encore un petit peu d'ailleurs. Ce qui est plutôt légitime, puisque justement, comme c'est quelque chose qu'on connaît peu, qu'on n'a pas encore théorisé ou quoi que ce soit, justement on en est juste au début de dire comment on fait un jeu de rôle solo, comment on crée de la résistance. C'est un grand enjeu quand on fait des jeux de rôle à plusieurs, on parle beaucoup de résistance asymétrique, etc. Ouais, comment on arrive à sortir du sentiment qu'on se joue soi-même et son adversité. Voilà, c'est ça. Donc dans Bedleman, c'est complètement ça, c'est ça. Il y a plein de questions qui sont totalement irrésolues et qui font que par nature, ouais, que les jeux de rôle solo aujourd'hui pas encore, et moi je m'inclus dedans, hein. Je trouve que Happy c'est encore une espèce de brouillon expérimental, et je pense qu'il y a encore moyen de faire beaucoup mieux que ça. Bah, c'est exactement là où je voulais en venir, et tout à l'heure il n'y a pas de 3 minutes, il me semble que tu as prononcé le mot compenser. Fabrice, en début de podcast, tu disais à propos de je sais plus quel jeu qu'il fallait mettre beaucoup de soi, c'était The Beast, qu'il fallait mettre beaucoup de soi. Je me demande si est-ce que le jeu de rôle solo demande pas à ce qu'on compense beaucoup. Alors c'est assez compliqué en fait Après, est-ce que faire un effort d'imaginaire c'est compenser? Dans ces cas-là, on compense tout le temps dans tous les jeux de rôle, quoi. Du moment que t'es obligé d'imaginer des trucs. En fait, ce qui est très compliqué, c'est d'arriver à repérer qu'est-ce qui est de l'ordre de la compensation. Donc la compensation, en gros, ce serait quelque chose qui vient vraiment de nous en tant que joueur et vraiment pas du jeu. Et qu'est-ce qui vient du fait que c'est induit par le jeu? C'est-à-dire que pour moi, un bon jeu, c'est un jeu qui ne te dit pas exactement fais ci, fais ça, mais qui est par un ensemble de mécaniques dynamique va faire que tu vas te retrouver à faire des choses ce qu'on a il va épouser ton imaginaire plutôt que de le guider ou de le laisser tout ouais, seul. C'est du jeu émergent en fait, voilà, et c'est il me semble que c'est ce que Frédéric Santès appelle le vide fertile, c'est-à-dire que on nous dit bah fais ci fais ça, mais tout un tas de choses qui entourent en fait, qui entourent la création de notre jeu, que ce soit en solo ou à plusieurs, et qui nous finit par nous créer. Et alors là où ce vide là qu'on comble, est-ce que c'est du vrai vide fertile, est-ce que c'est vraiment grâce aux règles qu'on l'amène, ou est-ce que c'est vraiment nous qui l'amenons? C'est très très compliqué de le définir, et moi-même j'ai pas les réponses à ces questions quand je fais un jeu de rôle solo. La seule chose éventuellement qui peut nous aider là-dedans, c'est les playtests, parce que quand on fait des playtests, que ce soit en solo ou à plusieurs, on peut se rendre compte, surtout quand on change de joueur, de table, d'expérience, qu'est-ce qui reste, c'est-à-dire que la répétibilité. C'est ça. À un moment donné, quand il y a beaucoup d'expériences qui sont répétées, on peut se dire peut-être que là c'est pas de l'ordre de la compensation. Finalement, la compensation, elle est unique, c'est-à-dire qu'elle vient d'un joueur ou d'un groupe de joueurs qui, eux, n'auraient jamais fait ça. Une autre table ou un autre joueur n'aurait pas fait la même chose. C'est pour moi, c'est ça la compensation. Donc, il y a peut-être un outil, il y a peut-être quelque chose à trouver de ce côté-là, en faisant des playtests et essayer de trouver qu'est-ce qui se répète, voilà, moi c'est le cas en ce moment sur Happy Together que je suis en train de playtester, avec des tables assez différentes à chaque fois, ou des playtests extérieurs, c'est-à-dire c'est pas moi qui anime la partie, ce sont des gens qui ont juste pris les règles. Et bien, du coup, en lisant les rapports de partie, en discutant, on peut se rendre compte de qu'est-ce qui reste à la fin quand on a des joueurs qui sont complètement différents. Du coup, est-ce que quelqu'un pourra nous sortir un jour le... Le Donjon et Dragon solo, comme Ghost Stories, où on a du challenge et... Ouais, c'est possible, hein, ça tout reste à... Moi j'y jouerais, hein. Un truc qui me permet de jouer à 3.5 pour de vrai tout seul sans les autres, là. Oh mon dieu, de enfin profiter de mon perso et de... quelque part on avait ça dans les Parsley Games, les jeux de rôle textuels... Ouais, mais ils avaient le même... Ouais. Mais sauf que même si c'était pas encore des jeux dont vous êtes le héros, il reste une émergence, effectivement, qui reste à inventer, quoi. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'en parlait souvent, qui s'intéresse, j'aime pas trop dire indépendant, parce que c'est pas forcément dire grand-chose, mais aux jeux plus conceptuels, plus mécanisés, quoi. Et il me disait, il mène à Apocalypse World, qui est quand même un jeu qui peut être parfois un petit peu exigeant aussi. Et des fois je manque d'outils quand je suis face à certaines situations et je sais pas quoi répliquer. Et j'aimerais avoir un jeu solo qui m'entraîne à une série de situations, quoi. Par exemple, des personnages qui dévient d'une ligne qu'on avait prévue, ou mettre une pression sur le personnage par rapport au tel ou tel élément, ou gérer plusieurs personnages en même temps qui font des choses différentes. Ce serait génial, un jeu de rôle solo qui serait une sorte de parcours du combattant du MJ, le scénar qui se passe en catastrophe, pour t'apprendre à gérer après face à des vrais joueurs. T'as 30 modules, tu fais 3 mois d'entraînement et après t'es prêt, quoi. Ouais, non mais ouais, le joueur roteur, le joueur qui fait des mauvaises blagues. Comment gérer une centaurette? Ah oui, il n'y a pas besoin, elle se gère toute seule. Elle vide le café, c'est tout. Ah c'est intéressant. Moi, j'ai plus grand chose à rajouter à part mon petit troll sur la compensation. Parce que effectivement, c'était un troll à moitié, parce que je pense que Happy, il n'y a pas tant besoin de compenser que ça. Parce que tu as quand même toute une suite de petits conseils pour relancer la fiction, etc. Donc ne serait-ce qu'en suivant le protocole, on peut au moins faire une partie correctement. Après, la compensation, c'est pas un gros mot non plus. C'est-à-dire que, oui. C'est, à mon avis, c'est quelque chose de jouer nécessaire. Jouer à 100 sans compenser, je vois pas grand peu. Non, mais même dans un jeu qui serait idéalement bien... Je joue bien que les cinématiques. Ouais. Bah là, on peut jouer tout seul, quoi. Ouais. En fait, on lit le bouquin. Dans un jeu de rôle qui serait même idéalement bien foutu, je pense qu'on peut pas négliger la compensation. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est important que chaque joueur, chaque table amène des choses de soi. Moi, j'ai tendance à penser qu'un jeu qui qui serait pas bon, ce serait un jeu où en fait il faudrait beaucoup trop compenser pour pouvoir arriver à jouer. Et donc en général, quand on compense trop, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se fatigue, on a du mal, ou carrément la partie dysfonctionne. Pour moi, voilà, essayer de faire un bon jeu, c'est arriver à mettre suffisamment de mécanique pour qu'on sache dans quelle direction on va, mais aussi pour laisser de la place à son soi unique et à la table unique pour pouvoir amener aussi des thématiques, des choses qu'il n'y aurait pas forcément purement dans le jeu, quoi. Quelque part, quand on pense à tous ces jeux freeform anglo, toujours pareil, hein, on pourrait dire qu'on compense tout le temps, parce qu'au final, on nous donne, c'est comme la route de Chrysopée que je disais, on nous offre juste des petits éléments de structure. Alors, on aura toujours un élément auquel se raccrocher, mais il va falloir amener beaucoup de choses, mettre des points de tension, lier des éléments, quoi, pour que c'est du sens. Mais au final, on compense pas tant que ça, parce qu'à chaque fois, on peut se raccrocher à un élément de structure. Là où la compensation est chiante, emmerdante, si je puis dire, c'est quand t'as même pas un élément de structure et tu dois le déduire, tu dois l'inventer, parce que t'es dans une zone du jeu où tu sais pas trop ce qu'il faut faire, mais tu sens qu'il faut faire un truc, mais tu sais pas trop quoi. Des fois, compenser, par exemple. Je précise juste qu'on parle de compenser. Il me semble que le terme est défini sur le glossaire des ateliers imaginaires. Tout à fait. Voilà, parce que voilà, vous pouvez vous fier au glossaire des ateliers imaginaires si vous voyez pas ce que on veut dire par compenser, parce que c'est vrai qu'on jargonne là, mais en fait d'un coup, je m'en rends compte. Ouais, mais en même temps, comme on parle justement de, on en parle justement de comment on envisage la compensation. Et à mon avis, ce qui pose problème dans la compensation aussi, c'est, comme je disais, compenser, c'est pas grave. Mais c'est juste que quand, par exemple, je vais faire un truc un peu abstrait, un peu schématique, mais si on a un élément structurel et puis qu'on a un autre élément structurel et entre les deux, on doit compenser, bah là, ça va, c'est pas grave, on fait juste le pont et c'est même plutôt simple parce que du coup, on amène un truc à soi et on reste dans une structure. Mais si jamais, en fait, à un moment donné, le pont qu'on doit faire entre un élément structurel et un autre élément structurel qui est très lointain... Si c'est un pont sur l'Atlantique, ça va pas. Voilà, c'est fait. On se met à compenser à répétition. Et là, en général, c'est là où on se fatigue, c'est là où la fiction commence à devenir un peu terne, parce que du coup, on n'a plus rien à se raccrocher. C'est excellent, ça explique exactement pourquoi compenser à Vampire est beaucoup plus chiant et fatigant que de compenser à Donjons et Dragons. Parce que la proposition est moins claire. Oui, parce que dans Donjons et Dragons... T'as plus de trop étendu, c'est ça. Oui, voilà, t'as des ponts trop grands à faire. Dans Donjons et Dragons, on a quand même toujours moyen de se raccrocher à Donjons et Dragons, où tu sors un mob et puis c'est reparti, quoi. Ouais, c'est ça, non, c'est vrai. Alors que dans Vampire, il y a tellement de choses à gérer entre les implications politiques, sociales, etc. Et amoureuses et les liens de sang. Voilà, et comme le jeu ne donne pas toujours à mon avis, ne donne pas du tout assez de mécanique pour faire ces ponts-là, effectivement, on se retrouve à compenser ou à faire du conte, moi ce que j'appelle du conte, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, le MJ, en fait, il est dans son histoire, et puis du coup, il a un peu réfléchi un peu à l'avance, puis il débite son truc, mais du coup, il n'y a plus de place justement pour la compensation. Parce que les joueurs, où est-ce qu'ils se placent, quoi, dans ce là-dedans, quoi. Non, je suis en train de me dire que j'ai déjà vu des MJ faire du GDR solo devant moi. oui, c'est un peu c'est, ça. C'est la réflexion que je me faisais aussi, notamment à Vampire, ça arrive Souvent, avec les chaussettes, quoi. Ouais. Ce que j'appelle du jeu de rôle participatif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le MJ qui, en fait, il fait un petit peu son compte, etc. Puis de temps en temps, t'as quand même le droit d'ajouter un peu de couleur. Tu peux commenter. La couleur, c'est d'ajouter des éléments esthétiques qui vont être plus ou moins signifiants, ouais, mais qui vont pas vraiment changer d'histoire. Moi, le plus beau, j'ai vu, c'est le MJ où ce que tu dis n'est pas assez beau pour sa couleur esthétique. Donc quand il reformule ce que tu as dit. Oui. Systématiquement. Alors il le fait vachement bien, hein. Mais c'est que ça fait bizarre, quoi. T'as l'impression que ça sert à rien. Ça peut être des expériences super intéressantes. Moi, j'ai des créatives au MJ. Je le frappe d'un coup d'épée. Ok, mais tu fais des grands moulinets en poussant un cri de guerre. Après, la partie était vachement plaisante, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui tient plus du conte oral que du jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Et aussi un petit peu de la presque. Ça tient aussi un petit peu de l'analogie du jeu d'échecs qui pourrait être un peu le mauvais jeu de rôle solo où on fait des coups et puis on va juste décrire les coups et c'est seulement là où on va placer notre imaginaire, quoi. À décrire une situation qui est déjà contenue dans les GD et dans les. Tu sais quoi, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis refait des parties de Magic en solo. Et en essayant de me refocaliser sur l'histoire que c'est censé raconter. Ça n'a pas tenu 3 tours. Hein. La mécanique est trop présente, mais... Bah oui, t'es tellement dans la tactique que du coup, en fait, tout ce que tu rajoutes, ça va être, bah, c'est ce que j'appelais à l'instant de la couleur. Ça, donc, peu importe ce que tu vas raconter, peu importe tous les beaux éléments de alors là, c'est un élément de, je sais pas, c'est une magicienne et puis du coup, elle a un chapeau comme ça, elle a un machin et tout. Bah, au final, après, tu te retrouves avec ta tactique pure où en fait, c'est pour ça que les conséquences les mécaniques doivent évoquer et non décrire. Par exemple, quand tu dis j'ai une blessure, je perds 10 points de vie, tu peux la narrer, tu peux dire que tu perds du sang, tout ça, machin, mais au final ça change rien, c'est juste que t'as perdu 10 points de vie. Tandis que si tu apprends que t'as une blessure en nature, t'es obligé de compléter, dire ce que ça veut dire. Ah bah, il y a peut-être des lianes qui me poussent sur le corps et tout, et là forcément il y a des conséquences dans l'aventure, et voilà, et là ta description elle s'éloigne du cosmétique, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que Inforenza Solo, là, maintenant que tu l'as dit, c'est vrai que j'y avais pas repensé, mais ça me tente bien, parce que je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à faire, quoi, enfin, à part des efforts de créativité. Bah, ce soir, mais... tu t'y mets, tu joues. voilà, est-ce que quelqu'un a autre chose à rajouter? Non, je pense Fabrice, qu'on a t'avais fait pas mal de notes, toi, je sais. Moi, j'avais fait le tour. J'avais bien un dernier jeu là. Allez, vas-y. Allez, rigueur, allez, allons-y. Parce que c'est excellent, oui. Un jeu qui a quand même la réputation d'être difficilement jouable. Donc, Sweet Agatha. Ah bon, je sais pas, moi j'ai trouvé qu'il était super bien. Alors là, ça y est, je vois les petits sourires. D'ailleurs, on parle de quoi? Sweet Agatha, Agatha. Donc c'est un jeu fait par un photographe. Sweet Agatha, c'est un jeu de rôle de Kevin Allen Jr. Je sais pas s'il a fait d'autres choses d'ailleurs, mais c'est un jeu qui a été pas mal primé quand même. Donc en tout cas par les professionnels. Je crois qu'il a fait un autre truc en jeu de rôle. Déjà, on est en train de devoir déballer un petit peu le jeu, c'est un format assez particulier. Ouais, c'est très arty. Ouais, c'est un espèce de truc A5, en espèce de petite pochette qui se plie là dans un truc papier glacé, avec donc un visage féminin un peu éthéré qui est censé être cette fameuse Agatha, donc Sweet Agatha. C'est le jeu qui est... Enfin, je le trouve totalement contradictoire dans sa démarche. Alors, je sais pas comment c'était en version originale, mais en français, on a un truc super beau. Et on nous dit dans le texte, prends tes ciseaux et sagouine le manuel, défonce-le. Ah mais je ne l'ai pas fait. Moi non plus. Et heureusement, il y a quelqu'un qui a fait un PDF sur Internet avec des petites indices, fiches de tous les trucs qu'on est censé découper pour pouvoir éviter de sagouiner son livre. C'est vrai que c'est un joli jeu. En plus, les illustrations, donc c'est des photographies. Et surtout, donc tu peux jouer qu'une fois, du coup. Oui, bah oui. Non, je ne pense pas. Non, mais t'es censé écrire ton nom, l'enquêteur, sur le bouquin. Oui, mais t'es pas obligé de... Ah, l'expérience Je vais venir. Donc on a, ce qui est assez intéressant, on va dire le corpus de règles sur une page à... A3. C'est du A3, ça? C'est du A3. Oui, c'est du A3, exact. J'ai pas fait toutes les études, hein, donc je sais pas toujours... Non, c'est du A2, ça, pardon. C'est du A2, parce que ça, c'est A4, hein. Non, c'est du A3. Oui. C'est du A3, c'est du A4. Donc, maintenant qu'on a fait un débat sur le A3... donc, on va... En fait, le but du jeu, c'est de retrouver Agatha, qui a disparu, elle est peut-être morte, elle est peut-être... On sait pas. C'est peut-être juste barré, voilà, on sait pas trop. C'est un grand... voilà, donc c'est... une trame extrêmement mystérieuse, et on va jouer deux rôles. C'est un jeu qui n'est pas pensé pour le solo, même si je pense pas qu'il précise deux joueurs, mais il précise en tout cas il y aura deux rôles, la vérité et le lecteur. Et la vérité va devoir, en fait, dans la base du jeu, qui est une espèce de, je ne sais comment dire, de série d'illustrations, de morceaux de journaux intimes, de photos de la chambre d'Agatha, en fait, c'est une série de textes d'inspiration qui pourraient donner une idée assez parcellaire de la vie d'Agatha. Pour ceux qui connaissent, ça a fait d'ailleurs penser à un bouquin qui s'appelle Paperton. Il y a eu une adaptation en film récemment, je crois que c'est Le secret caché de Margot. D'accord. C'est comme ça, une nana assez populaire, un peu éthérée, qui disparut du jour au lendemain, et tout le monde se met sur ses traces et découvre des petites bribes de sa vie. Bon, le film est assez mauvais, mais si vous voulez un exemple, le bouquin est peut-être... Mais comme les mauvais films, quand on les joue en jeu de rôle, c'est toujours plus cool. Le pitch est génial. Et on a une série de... Arrête, Profion était un excellent méchant. Ah oui, unique au monde. Jeremy Irons. Jeremy Irons au plus fort de sa forme. Et donc au milieu de tout ça, qui peut être représenté un peu comme... qui est un peu pour moi le pendant lumineux des photomontages un peu étranges que peut faire Thomas dans ses jeux d'ailleurs, quelque part. Oui, là on a quelque chose de très... Ouais, une espèce de bout d'éléments collés. Ben, on va avoir des espèces de petits triangles rouges avec des éléments... Alors ça va être des potentiels, des indices potentiels, des extraits de journaux, des événements, des choses retrouvées dans la chambre d'Agatha, etc. Mm-hmm. Ou des personnes louches, ou des indices. Voilà. Et en fait, donc je reprenais, la vérité en fait va découper sa base de jeu de rôle, chose que je me suis bien gardé de faire. et en fait, avoir tous les indices sous la main. Et en fait, il va les donner petit à petit au lecteur, qui est une personne a priori plus ou moins proche d'Agatha, ou qui, tout du moins qui a des raisons de la chercher, pour diverses raisons. Et en fait, il va se servir de ces indices pour se rapprocher de la vérité, qui est où est Agatha. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Il n'y a pas vraiment de dés. Il n'y a pas vraiment d'éléments mécanisés, même s'il y a tout un tas d'éléments de... Enfin, il y a quelques éléments de règles de narration, pour être plus ouais, exact. Ouais, ouais. Qui d'ailleurs... Ouais. Alors, ça structure comment concrètement? Qui a testé le jeu ici? Moi, j'ai pas testé le jeu. Il n'y a que deux, je crois. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment on joue concrètement ça? Au début, on fait quoi? Donc, normalement, on est censé découper les morceaux. Bah, en fait, ce sont des indices. Ouais. Et grosso modo, t'as un jeu de ping-pong entre donc l'enquêteur, enfin, qui joue une personne proche d'Agatha qui la cherche. Ouais. Ça se joue tour par tour, c'est assez important. Et la vérité qui, régulièrement, lui donne des indices. D'accord. Les indices, comment ils sont choisis? C'est au hasard? Non, on les choisit en fonction de YOLO. D'accord. Il me semble. Hein, mais... c'est-à-dire, non, c'est des indices, c'est quand même précisé dans la base, hein, osons le dire. C'est, il est censé donner des indices qui lui semblent propices à la recherche qu'est en train de faire le lecteur. Bon, ça reste... ouais, voilà, ouais, en fonction de YOLO, quoi. Je pense que ça va rester dans les annales. Ça me paraît pas inintéressant, cela dit, parce que c'est vrai que du coup, plutôt que de choisir aléatoirement, tu peux dire, bah, ça, je pense que c'est intéressant pour la suite de l'histoire. Il y a un autre problème, c'est que du coup, t'as intérêt à avoir une grande surface pour aligner tous tes indices pour pouvoir te dire ah ouais celui-là il peut être peint parce qu'il y en a, ouais. Il y en a une tétrachée, ah, il faut du fil rouge pour relier les indices. Ouais, tu disais que sinon ça pourrait être sympa d'avoir carrément vraiment le tableau à la détective. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des bouts de scotch, on avait pris des bouts de ficelle. J'ai un grand mur blanc, enfin j'ai que des murs blancs chez moi, ouais. Plus j'ai rien décoré, tu connais Gaël, enfin ouais. Dans mon appart là, du 12e, et du coup le mur blanc servait de mur d'enquête, quoi. Et donc, j'accrochais régulièrement, j'enlevais un indice, je le raccrochais auprès d'autres pour faire des paquets. Ah tiens, en fait, la cassette VHS, elle vient de chez tel mec que j'ai croisé en sortant de chez elle. Mm-hmm. Donc, pouf, je les mettais entre eux, puis après, j'alignais des ficelles entre les gros paquets, mm-hmm. selon ce qui me semblait cohérent. Mm-hmm. Alors là, pour le coup, je compensais à mort. Mais en fait, il y a deux éléments de règles qui sont très importants. Ce qu'il faut pas oublier dans ces jeux, qui sont très courts, hein, c'est un format A3 écrit, ça doit être de la taille 12, quoi, c'est espacé. C'est recto, il y a recto, rien. Recto, recto. Hein, A3, c'est-à-dire qu'un A4 recto verso suffirait à contenir les règles. C'est ça. Et c'est épuré, en plus, il y a de l'espace, quoi. Ça c'est reste... ça. Et après, c'est un support relativement esthétique derrière, quoi. Mais le cœur des règles, c'est ça. Comme deux éléments, parce que tu dis YOLO, mais enfin, moi, j'y mettrais un peu plus. Oui, non, Plus les jeux sont courts, en fait, plus les règles et chaque mot est important. Je vais vous reprendre une phrase qui est tirée du bouquin et qui symbolise bien ce qu'on disait. Donc il dit soignez l'introduction des nouveaux indices dans la trame, sachant qu'à chaque fois c'est la vérité qui donne. Plus ils seront symbiose avec le récit, plus passionnantes et crédibles en seront vos histoires. Et ouais, puis tu vois des indices, par exemple, j'en prends un au hasard. Une personne souffrant d'une addiction aux bonbons, c'est préféré en emballage caractéristique. Tu peux pas balancer l'indice comme ça, t'es obligé de le replayer, quoi. Puis il y a des choses qui sont liées à l'exploration de la chambre d'Agatha, donc faut l'avoir introduit. Il y a des choses qui sont liées à des infos, des extraits de journaux, des trucs se retrouver sous des portes. Le bâtiment téléphonique, là, ou je sais plus quoi. Voilà, t'as des trucs qui se passent en forêt. Alors par exemple, un moment dans le background, entre guillemets le background, mais il te fait des extraits de texte sur une forêt, et après t'as des indices qui sont en rapport avec cette forêt. Enfin, c'est quand même pensé. Oui, il y a notamment des indices, il me semble qu'il y a une casse de vieille bagnole abandonnée, enfin, une casse sauvage. Ouais, tout comme tu vois une photo cachée derrière une autre dans un cadre, bon bah t'es quand même obligé d'imaginer derrière ce que c'est, quoi. L'indice ne dit pas. Même la première photo, la deuxième. Donc en fait, qu'est-ce que fait la vérité qui peut être en quelque sorte ce qui va faire que le jeu se joue à plusieurs? Il va juste poser des indices. Il va également poser des objectifs. Parce que dans ce jeu, les objectifs sont posés à tour de rôle. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire un coup, c'est le lecteur. Mais un coup, ça va être la vérité qui va éventuellement recalibrer la fiction un peu pour... Ah ouais ? Ouais. Ah, je m'en rappelle plus. Donc, et c'est pour ça que chaque règle est importante. Plus le jeu est court, plus c'est important. C'est très vrai notamment dans les jeux freeform. Dans les jeux freeform, tu rates une phrase, tu passes à côté du jeu, quoi. Mmh. Déjà que des fois, je crois qu'on l'a vu ce matin. Hein. Du coup, on avait joué avec Influenza Bianca où t'avais ce matin, 15 lignes. Et comme on n'utilisait pas toutes les règles, ça fonctionnait pas. Ouais, oui. Et c'est quelque chose de très très important. Donc moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que déjà, j'ai pas fait mon découpage parce que la base est magnifique. Et enfin, voilà, j'ai pas osé. Mais rien t'empêche de feuilleter les pages, de dire ah tiens, tel indice m'intéresse. Et c'est d'autant plus intéressant que généralement, t'as les bouts d'indices qui correspondent au bout de background, que j'appellerais background, enfin, c'est-à-dire de situations, de petites vérités sur Agatha qui sont rédigées. Ce qui fait qu'il a tout sous la main, ce qui peut avoir un aspect commode. Là, j'ai l'impression qu'on est typiquement dans le genre de jeu où c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la compensation et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que le jeu nous amène à faire. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous dire finalement, si, enfin, est-ce que tu as trouvé l'expérience concrète? Tu m'en donnais deux ou trois par scène. Ouais. Alors, concrètement, avec The Beast, Sweet Agatha, pour moi, est la partie la plus intense de jeu de rôle que j'ai pu faire. Ouais. Sachant que... Alors, tu y as joué en solo ou à Sweet Agatha? Ouais, ouais. Alors que le jeu n'est pas prévu pour ça, normalement. Bah, attends, il a fait Warhammer en solo, il peut tout faire, ce garçon. J'avoue que c'est... Mais c'est super, le jeu est prévu pour ça, et je vais vous dire pourquoi. Ah, vas-y. Alors... Parce que justement, j'allais poser la question, c'est pourquoi est-ce que ce jeu a la réputation de pouvoir être joué en solo, alors que moi, quand j'y verrai, que je ne le vois pas. Alors, c'est vrai qu'il propose donc qu'un ami, une autre personne va jouer la vérité, donc après, il suggérerait deux joueurs, mais vous avez la fameuse règle. Vous avez le droit d'ignorer toutes ces règles. Vous pouvez faire comme bon vous semble. En fonction de YOLO. Voilà. Collectez les indices à votre guise. Tirez vos propres conclusions. Sweet Agatha est à vous. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, t'as bien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais vous expliquer à peu près comment j'ai fait. Alors déjà, étant donné que j'ai pas envie de... En fait, il faut faire normalement 10 scènes. Ouais, et souvent c'est trop long, je trouve. Ouais, c'est trop long. Alors moi, par exemple, je voulais en faire que 4, et finalement... Avant que tu racontes ton expérience, ouais. Moi, je lui connais deux défauts, c'est que c'est trop long, souvent. Ouais. On préférait s'arrêter à 7-8, et on a du mal à savoir comment finir aussi, des fois. Enfin... Ou alors vous arrêtez avant d'arriver à 10. Qui finissent pas, comme dans Zodiac ou Memories of Murder, où finalement, de toute façon, ça n'aboutit jamais. On arrive sur un dernier indice qui contredit tout ce qu'on avait fait, et puis... Et puis, comment un clap de fin sur des héros fan de qui Lost, abandonnent. Quoi, ouais. Sauf que là, tu vas choisir tes indices. Ouais, ouais. Donc, t'as beaucoup moins de problèmes vu que tu as joué. Moi, j'ai eu aucune difficulté. Mais je pense que pousser trop la fiction vers les 10 scènes, effectivement, ça peut être bloqué. Mm. Alors que moi, par exemple, je me suis arrêté à 6. Ouais. C'était gros, ça peut être. À mon avis, 6, ça doit être bien. C'est la partie de jeu de rôle la plus trash que j'ai pu faire, d'ailleurs. J'y reviendrai peut-être un petit peu à la fiction, histoire de rigoler. Donc j'ai joué le tout en 6 scènes et je me suis réservé le droit de pas toujours utiliser 3 indices parce que normalement à chaque scène tu dois utiliser 3 indices exactement. Le jeu te l'impose mais le jeu te dit aussi que tu peux faire YOLO, tu tombes à la chatte donc ce que tu veux quoi. Donc voilà, c'est un petit peu près ce que j'ai utilisé. Donc en fait et aussi également la deuxième nuance, c'est que j'ai dû poser l'objectif à chaque fois moi-même quoi. Voilà. Même si d'accord. Okay. Voilà. Donc j'ai dû poser l'objectif, et ce que j'ai fait qui n'est pas vraiment précisé par la règle, c'est en fonction de la fin de la scène, c'est-à-dire de ce que je n'avais narré, de ce que j'avais vécu, j'ai posé l'objectif en fonction des intentions du personnage à la fin de la scène. Pour moi, on retrouve un peu ce qu'on retrouve sur ce bon vieux Warhammer, d'ailleurs, c'est-à-dire vu que, ou même quelque part un petit peu Influenza. Warhammer sous Agatha, même combat. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est que vu que tu connais à peu près comment tu vas dérouler les enjeux, t'as une démarche d'auteur, t'as une démarche d'écrivain en fait. C'est-à-dire, tu vas pousser petit à petit vers ce vers quoi tu veux amener, tu vas pousser vers des dialogues qui sont pleins de tensions, Et si moi, par exemple, en jeu de rôle... Comme tu vas aussi un peu t'écouter et lâcher prise, quoi. Et je pense qu'il y a les deux. Hein. Il y a une partie de planification où tu planifies ton aventure, tu planifies des arcs narratifs, et il y a une partie de lâcher prise, quoi. Ouais. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent, parce que je suis un joueur assez introspectif, de faire des scènes de dialogue ou des scènes de description qui, pour moi, sont super riches dans ma tête, mais qui sont totalement obscures et abscons pour le reste de la table. Et en jeu d'air solo, bah, ça pose pas de problème parce que tu sais ce que tu fais, quoi. Il y a vraiment pas de souci, quoi. Et donc j'ai fait vraiment une suite d'exploration avec Agatha, où Agatha a été violée plusieurs fois au cours de sa jeunesse. Elle fait partie du mouvement punk. Elle a usé pas mal de violence vis-à-vis de ses contemporains, et elle a fini dans une relation BDSM totalement torturée et malsaine, où elle a fini pour juste avoir favorisé un espèce de masochisme complètement dément. Elle a fait brûler sa meilleure amie dans un entrepôt en la regardant. Ouais, c'est trash Agatha, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on peut retrouver des trucs comme ça dans les indices. Et... Ah, oui, à ta décharge, le jeu donne tout ce qu'il faut comme piste pour arriver là où t'es arrivé. Oui, c'est-à-dire l'incendie, je l'ai pas inventé, c'est dans le jeu. Voilà, enfin, je sais pas si j'ai même, un exemple. Même des histoires. À la fin, par exemple, à la fin, en fait, le personnage du lecteur est confronté à Agatha, où Agatha lui raconte tout. Elle finit par lui gueuler punk, are not dead. En lui disant qu'elle aime, et elle finit par se tirer une balle. Et c'est assez basé sur les indices, en fait. Parce que j'ai une lettre de suicide inachevée d'Agatha, brouillonnée, et par exemple un enregistrement d'Agatha, le visage stoïque. C'est-à-dire, elle est enregistrée, si tu veux. Tu fais les associations d'idées, en fait. Je pense que c'est pour ça que la règle des trois indices, ou au moins deux, est importante, parce que tu vas additionner, tu vas sortir un truc de ouf. Mais c'est vrai que, ouais, même il y a des indices qui... Genre, je me rappelle plus comment ils sont écrits, mais qui aiguillent de façon assez implicite vers des trucs des histoires de violence sexuelle ou autre. T'as de la violence sexuelle, t'as des histoires de fric, tu peux retrouver des diamants que j'ai utilisés. Par exemple, moi j'ai utilisé un millionnaire à la retraite qu'un ennui écrasant pousse à jouer avec le feu. T'as des enveloppes, par exemple, que j'ai aussi utilisées, où j'ai amené où le personnage allait se renseigner dans un club échangiste, en fait, où il y avait des messes de jeu avec des prénoms de garçons dans les trucs de papier craft. Ça incite à des trucs un peu creepy, mais en même temps, et c'est là où je suis pas d'accord forcément avec toi, je pense que ça a pas mal de rejouabilité. C'est en fonction de comment tu combattes les indices. Et surtout, si tu fais pas 10 scènes, t'en crames pas tant que ça des indices. Et si tu fais pas 3 indices à chaque fois, t'en crames pas tant que ça. J'ai pas dit que le jeu était pas rejouable, hein. Je pense pas que ce soit ça le problème. C'est vraiment moi le problème, c'était finir les parties et savoir quand et comment, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il a un peu cette règle à la fin. Bon, c'est bien tourné, mais c'est un peu fait ce que vous voulez, on s'en branle. Je pense que le jeu nécessite d'ailleurs de modifier certaines choses, mais c'est vrai que, en l'occurrence, il aurait pu faire un JDR solo intéressant, c'est-à-dire, par exemple, il pourrait suggérer, vous pouvez le jouer en solo, si vous avez l'impression que vous avez trop d'indices, mettez-en moins, essayez de combiner des indices qui ont des rapports les uns avec les autres, genre des trucs qui se passent dans la forêt. J'ai le sentiment que là, ton personnage que tu joues, l'enquêteur, et il a vraiment uniquement un rôle de témoin, lui-même n'agit pas, quoi. Il passe derrière Agatha, en fait. Il déambule, il suit, ouais. Il y a énormément de fiction, je pense encore à Zodiac, où toutes les fictions d'enquête qui foirent, où en fait le protagoniste principal n'agit pas. Et alors, tu vois, Indiana Jones, il y a le fameux Indiana Jones, c'est le temple maudit. Ouais, c'est l'arche perdue. En fait, Indiana Jones, c'est purement un témoin, c'est-à-dire qu'en fait, les grands événements du film auraient lieu, qu'il soit présent ou non. Et en fait, on est vraiment dans l'exemple d'un. Tu joues un personnage, mais ce personnage ne fait que déambuler, collecter des indices, spéculer. Lui-même n'agit pas, quoi. Il n'interagit pas avec Agatha. Mais quelque part, est-ce que c'est pas justement... C'est un témoin, quoi. Sweet Agatha est un peu inspiré de ça, je pense, enfin, de manière plus ou moins lointaine, mais de tous les Agatha Christie ou de tous les fictions policières. Ouais, Hercule Poirot lui-même ne fait rien en particulier. On cherche à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Même dans un cadre plus trash, Maigret, un peu la fiction policière pour dépressif. C'est à part bouffer Maigret, À part bouffer et dire qu'il aime pas telle ou telle personne, apparemment elle est une femme, mais c'est super fou. La structure, moi, que je retrouve dans ces genres de choses, et à mon avis, qui a l'air d'être ça dans Suitagata, c'est la structure du puzzle. C'est-à-dire qu'on a, un puzzle et il faut recomposer les morceaux entre eux, et à un moment donné, on a suffisamment de morceaux. Ton protagoniste, c'est quand même vraiment un pion dans voilà. cette histoire. Voilà, et on doit reconstituer suffisamment de pièces de puzzle pour pouvoir ensuite combler les pièces qui manquent. Et ensuite refaire le tableau global. Et du coup, la structure m'a l'air vachement intéressante de Suitagata pour ça. Et c'est vrai que ça nous fait réfléchir à un jeu de rôle en tant que structure pour juste du récit collaboratif ou même nos personnages, au final, c'est un peu secondaire. Ce qui compte, c'est de faire une histoire qui nous semble cool à tous. Et surtout qu'on pourrait faire du Sphinx en solo sur le même modèle, quoi. Avec un truc qui te balance les révélations et toi tu joues juste la réaction, les spéculations que tu fais, t'explores une ruine et comme, ah comme ouais, on okay, disait, on ça change fresque, ouais. ça raconte ouais. ça, attends, qu'est-ce que ça veut dire. Comme on disait, ça change vraiment la nature du jeu, quoi. Tu passes à un jeu de devinette par exemple quelqu'un qui déroule son scénario, à un jeu de comment tu réagis à ce qui se passe, quoi. Ouais. D'accord. Bah, ma foi. Voilà, je crois qu'on a fait un bon morceau. C'est pas mal, ouais, déjà. Ouais. Faudra revenir dans 3 ou 4 ans quand. Ouais, c'est à mon avis. Ouais, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Ouais, les gens ont toujours du mal à être convaincus, mais bon. Et je pense que, comme tu disais, Gaël, la multiplicité des jeux solo, si elle arrive, induira elle-même que les gens prendront ça. Ouais, il y avait un biais aussi, j'en discutais, je sais plus avec qui, sur l'idée que souvent un des soucis, c'est que les jeux expérimentaux, du coup, sont souvent faits par des gens qui s'intéressent à qui vont très loin dans des réflexions, et donc du coup, ils ont tendance à créer des jeux justement qui sont assez jusqu'au boutiste. Et il faut toujours un chemin en fait entre les expérimentations. Ceux qui expérimentent et ceux qui ensuite vont reprendre le flambeau peut-être des jeux plus didactiques des jeux plus didactiques avec des thématiques qui sont moins qui sont peut-être moins profondes mais qui vont être plus accessibles et donc ça va prendre du temps, tout comme le jeu de rôle indépendant et les jeux de rôle, tout ce qui provient de la Forge et des théories de The Forge va mettre du temps à arriver parce qu'il y a une première vague où on est vraiment dans des jeux très introspectifs, très profonds, etc., qui sont pas forcément faciles d'accès, et petit à petit ça inspire d'autres auteurs, et on le voit notamment nous sur les ateliers imaginaires avec les séries de générations, pour dire entre guillemets, d'auteurs successifs qui créent des jeux différents et qui se réapproprient les techniques de leur père, quoi. Ouais, bah moi ce que j'attends maintenant, c'est comme tu disais, le jeu qui est fait pour un joueur et un MJ avec des donjons faits pour un seul joueur, bah la même, mais pour seulement un seul joueur, quoi. Là, ce serait cool. Puis après la campagne de Sens en solo. Oui, ça pourrait faire un jeu intéressant du coup. Bah, il suffit de dire le livre. Voilà, le jeu solipsiste par. par essence. Une fois ça perdu, c'est le début du jeu. On pourrait faire des JDR pour schizophrène aussi, ou pour double, triple personnalité. Ouais, c'est un peu compliqué, je crois. Oui, je pense aussi. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Je sais pas combien de temps on enregistre là, plus d'une heure. Donc voilà. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.